L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Sérieusement, on en parle ou pas? Je veux rentrer chez moi, j'ai peur. Ça fait trop de bruit dehors. Et on est en mode Happy Hour là sur Fun Radio jusqu'à 20h et on a ouvert la fenêtre du studio il y a 5 minutes top chrono. Et bah franchement, je suis passée du soleil ici à Bruxelles à des espèces de grelons énormes. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi? Sérieusement, à un moment donné, tu peux même appeler Papa Noël pour qu'il vienne te filer des cadeaux. Ah, Virbier, j'ai vu une neige. Il neige? Enfin, il y a eu tellement de grelons et de pluie que ça a formé de la neige sur le trottoir en fait. Mais ça, c'est ouf. Il y a un truc qui va pas. Franchement, c'est pas au mois de juin qu'il doit commencer à grelonner comme ça. Le prochain qui vient de chier avec le réchauffement de la climatique, je l'en colle une. Le réchauffement climatique, ouais. Ça va aller. Il n'y a pas de réchauffement, ça va pas. Sinon, on peut se mettre dans l'ambiance. Hein. Ouais, vas-y. I don't want a life for Christmas. Woo! Yeah. Hey, joyeux Noël tout le monde. Eh merde, j'ai oublié de fermer la fenêtre de ma voiture. Ah non, mais ça moi aussi, j'ai oublié de fermer la fenêtre. De chez toi? Ouais, et du coup, comment dire, mon chien Patapouf va aller se régaler dans la boue du jardin. Ton canapé, il est mort, ton appart, il est mort, ton mur, il est mort, tout est mort. Tout est mort, voilà. Bon, j'espère que vous, ça se passe bien, que vous n'avez pas droit à des gaffes comme moi. Vous êtes sur la route, bon courage si c'est le cas. Il doit sûrement y avoir plein d'embarras de circulation avec ce temps. Et puis, si vous êtes à la maison, restez bien à l'intérieur parce qu'il y a des éclairs, sérieux, ça fait flipper, quoi. T'as peur, hein? Bah, ils sont énormes, hein, sérieusement, franchement, ça fait flipper grave. Oh, pauvre minou. Ouais. T'es une fille comme ça qui a peur de l'orage? Ouais. Ouais, moi, je suis pas à l'aise non plus. Hein. Non, mais ça, en plus, c'est une technique ultra féminine, tu vois. C'est que dès qu'il y a un peu d'orage, je fais: oh mon dieu, j'ai peur, il faut que tu me prennes dans tes bras. Vas-y, fais-le un peu. Ah mon dieu, non, j'ai pas envie que vous me preniez dans vos bras en fait. Dites-moi comment ça se passe, vous de l'autre côté de la radio. Est-ce que c'est le déluge aussi de votre côté? 3044, c'est le numéro pour nous envoyer des petits messages. On va tous les lire juste après les infos. Fun Radio. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparixl.be. Ah ben ça c'est top. Pour se mettre dans l'ambiance des vacances, on va se faire un Enrique Iglesias. Avec le temps c'est parfait. Avec les grelons ça va être génial. Ça arrivera juste après les infos maintenant avec Carlo Morello. Salut Carlo. Hello Audrey, salut à tous. L'heure est toujours aux grèves et aux manifestations, vu que ce ne sont pas les mécontents qui manquent dans notre pays, avec au programme du jour les magistrats. Peut-être qu'ils ont encore été sympas ce matin, se rassemblant pendant une demi-heure à peine dans tous les palais de justice du royaume pour exprimer leur colère avant de reprendre le boulot. Mais de prévenir, si la situation n'évolue pas dans le sens qui leur convient, bah là ça rigolera plus du tout avec des actions plus dures, comme une grève au finish, tiens, ce qui serait très dans l'air du temps. Alors quels sont les griefs de la magistrature? Eh bien, un manque flagrant de moyens, les bâtiments sont en ruine, les programmes informatiques sont complètement dépassés, on manque de personnel. Et dans ce contexte déjà insupportable pour la justice, voilà que le ministre Koen Gaens envisage une réforme se traduisant par de nouvelles économies, moins 20% sur le personnel, moins 22% sur l'infrastructure informatique. Pour la magistrature, bah, ça signifierait l'arrêt de mort de la justice, ni plus ni moins. Ok pour des économies et une rationalisation des coûts, explique un juge bruxellois, mais d'abord, il va falloir de véritables investissements. Est-ce que l'économie va mieux depuis la crise de 2008? Pas vraiment, hein. Elle a beaucoup de mal à redécoller malgré les efforts déployés par les différentes banques centrales. Et certains experts pensent que le secteur bancaire va une nouvelle fois nous valoir des lendemains qui déchantent, comme il y a 8 ans. Si ce n'est que cette fois, on va avoir du mal à la sauver avec de l'argent public. Hein. Et pour vous donner un exemple de cette non-sortie de crise, il faut savoir qu'en 2008, 11,3% des enfants en Belgique vivaient dans une famille où tout le monde était au chômage, donc papa et maman. Et bien aujourd'hui, c'est 12,8%, un problème qui se pose surtout à Bruxelles, où plus de 25% des enfants sont concernés. C'est malheureux, c'est inquiétant et c'est étonnant. Malheureux, pas besoin d'expliquer pourquoi. Inquiétant parce que les gosses qui grandissent dans un tel environnement ont beaucoup de mal à s'en sortir. C'est bien que la pauvreté a tendance à se transmettre d'une génération à l'autre. Et étonnant parce qu'aucun autre pays en Europe n'affiche de telles statistiques. Même pas la Grèce ou l'Espagne, où le taux de chômage est pourtant bien plus élevé que chez nous. Je ne sais pas si Hillary Clinton sera la première présidente des États-Unis, mais elle sera en tout cas la première femme à briguer la Maison-Blanche pour un grand parti, à savoir le Parti démocrate. Cette fois, c'est sûr, l'ex-première dame a passé la barre du nombre de délégués lui assurant de représenter les démocrates lors du scrutin de novembre. Même si son rival Bernie Sanders espère remporter une victoire symbolique à l'occasion des dernières primaires organisées aujourd'hui, notamment en Californie. Mais le vrai rival d'Hillary Clinton aujourd'hui s'appelle Donald Trump, le vainqueur dans le camp républicain. Certains diront donc qu'au lieu d'une première femme à la tête des États-Unis, on risque d'avoir droit au premier clown, ce qui c'est pas très sympa, ni très juste d'ailleurs, vu que cet homme est loin de faire rire tout le monde. Alors, je ne sais pas si c'est Donald Trump qui a inspiré Hollywood, mais le tournage de Ça doit commencer cet été. Un film tiré d'un roman de Stephen King et dans lequel il y a justement un clown particulièrement inquiétant et malfaisant. Fun Radio. Maintenant dans les stations Qwait avec Deleuze Shop & Go, un poulet rôti pour seulement 4 euros. Réchauffez-le à la maison et à table. Avantage. Rendez-vous vite chez Qwait. Il y a un auditeur qui me propose de venir dans les studios pour me prendre dans ses bras, pour me rassurer. Oh, c'est mignon. Bah voilà, hein, qu'a tout compris. Eh bah quoi, et vous savez quoi, on va faire un truc. L'auditeur qui vient dans les studios, qui arrive en premier, et bah je lui file un cadeau. Ah ouais? Genre, celui qui vient pour me rassurer, 33 avenue Télémaque à Forêt, je lui file un cadeau. D'ailleurs, de cadeau, il en sera question dans un instant. Je vous expliquerai comment faire pour repartir avec un cadeau de 700 euros. Je vous explique tout ça juste après la météo. J'ai une petite pensée pour mon chien qui est tout seul à la maison et qui déteste le tonnerre. Il doit vraiment flipper sa race. Bah, tu m'étonnes. On pense à tous les chiens. Ouf, ouf à vous. Petite dédicace. Du coup, la météo, Carlo, ça va s'améliorer demain ou pas? Écoute, demain, ça va être un petit peu le contraire d'aujourd'hui. On va commencer sous la pluie et puis après, il y a des éclaircies qui vont se pointer. Si c'était peut-être dans l'est du pays, le climat risque d'être toujours maussade et je pense très fort à tous les Belges qui sont concernés plus que les Bruxellois par les orages parce que ça peut mal se passer, hein, surtout du côté du Namurois ou du Luxembourg. Voilà, prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse en compagnie d'Audrey et du son d'Enrique Iglesias. Salut. Achetez un paquet de charcuterie fine chez Charles et gagnez une TV à écran plat grâce à notre concours de foot Euro 2016. Jetez un œil sur chezcharles.be. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Are you ready? Fun. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. Yeah. L'Happy Hour avec Audrey du lundi au vendredi 17h-20h sur Fun Radio. Solo en tu boca. Yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Solo con un beso, Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Bon courage les amis, merci d'écouter Fun Radio. On va se mettre dans l'ambiance avec le son de Julian Peretta. C'est I Cry qui arrive. Il y aura aussi Black M avec Sur ma route. Et sur la route, ça doit être bien compliqué en tout cas. Et non mais sérieux, je vois plein d'accidents et tout avec l'infotrafic. On sera ça avec Mister Jacobus dans un instant. Et il y a Bernard qui dit je pourrais pas être le premier pour venir te faire un câlin et te rassurer. Je viens de Charleroi, le temps sera long. Mais on pense très fort à toi, on t'aime. C'est Bernard et toute la petite famille. C'est tout mignon, tout plein. J'ai pas l'impression que les gens se bousculent au portillon pour venir te rassurer. C'est pas, non mais c'est pas très très gentil de dire ça parce que voilà, il faut toujours essayer de rassurer une femme. Non mais c'est une réalité, tu vois, après à un moment donné, il faut voir la réalité. Pas qu'on est submergé sous les demandes ou la savette n'arrête pas de. Je suis sûr, attends, on fait un pari. Arrêtez, je suis sûr qu'à un moment donné, il y a un auditeur qui va venir dans le studio pour me rassurer, prendre dans ses bras, me dire de ne pas avoir peur des orages, tout ça. Moi je t'ai fait un pari, si on demande Sandro et moi un poney, on l'aura avant qu'un auditeur vienne te rassurer. C'est vraiment pas cool, sérieusement. On me dit à Boisdevillers, c'est aussi la catastrophe, je suis rentré chez le boulanger, il y avait des éclairs, c'est flippant. Grave, j'ai voulu prendre la boulangère dans mes bras et je me suis pris un pain. C'est Johan qui petit nous dit farceur. Ça. Ah, petit coquillou, on te fait des gros bisous, mon Johan. Bon, du coup, on va vous offrir un cadeau. Ça va vous remettre du baume au cœur, tout ça. On va se mettre dans l'ambiance avec un hoverboard. Un hoverboard, mais pas n'importe lequel. L'hoverboard Iron Man. Mais non, hein, quoi, yeah, comme baby. Tony Stark. Ouais, c'est ça. Et alors, cet hoverboard, il coûte quand même la blinde. 700 euros. Quoi ? C'est un super beau cadeau qu'on vous offre aujourd'hui sur Fun Radio. Et pour ceux qui ne voient pas ce que c'est un hoverboard, en fait, c'est un peu comme un Segway, mais sans le guidon. Sans manche. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. C'est-à-dire que c'est comme une planche à roulettes, mais qui avance toute seule. Tout seul. Voilà, c'est le truc à la mode pour le moment. Tout le monde le veut, mais tout le monde ne peut pas l'avoir forcément parce que ça coûte super cher. Celui-là, il est waterproof parce qu'il y a de l'eau. Il faut aller sur l'eau. Mais ouais, franchement, tu peux y aller. Mais en plus de ça, il fait des trucs en plus que les autres hoverboards. Genre, t'as de LED, donc t'as de la lumière, tu vois. Quand t'avances, c'est voilà. Cool. Donc ça, c'est cool. Et alors, en plus de ça, tu peux brancher genre ton téléphone et écouter de la musique en Bluetooth. Mais non. Bluetooth. Si. T'imagines, tu peux mettre la musique de Star Wars. C'est pas l'hoverboard Iron Man qu'il faut l'appeler, c'est l'hoverboard que le transport. Oh non, Fab, t'es pas cool, sérieusement. Tu fais ça dehors maintenant avec la pluie, mais t'es mort. Mais non, c'est des LED. Ça marche. Quoi, des LED, tu peux pas t'électrocuter avec des LED? Mais non, parce qu'ils sont dans le châssis, en fait. En fait, ils sont juste en dessous de tes pieds. Moi, je fais pas confiance à votre truc. Ça sent l'électrocution. T'es trop vieux. Mon Dieu, Fab et la technologie. Si vous, par contre, vous voulez repartir avec votre hoverboard d'une valeur de 700 euros. Et de toute façon, dites-vous un truc. Même si l'hoverboard, ça vous plaît pas, ça coûte quand même toujours 700 euros. Vous le revendez, ça vous fait de la thune. Hein, donc, on sent ton côté Carolo là. Bah non, mais quoi. À un moment donné, on fait du business ici. Je pense aux auditeurs. Donc, si vous voulez essayer de repartir avec, il faut me retrouver cette série. Rien que d'entendre le générique de cette série, j'ai des frissons, quoi. Qu'est-ce que j'ai kiffé. Franchement, pour tous ceux qui sont fans de séries télé, c'est la meilleure. Ouais, vous allez tout de suite trouver, quoi. Pour les autres, vous allez peut-être un peu galérer, mais dites-vous que c'est une série récente et que bah pratiquement presque tout le monde l'a regardée. Ouais. Au moins une fois, vous êtes tombé dessus sans faire exprès. Je l'ai jamais vu. Jamais. Non. Oh non. Il y a combien de saisons à ce truc en plus? Je suis à la cinquième là. La cinquième en DVD, mais la sixième vient de sortir aux States là. Ah ouais. Yeah, motherfucker. J'attends qu'elle soit complète. Et pourquoi il y a un engouement pour ça? Mais parce qu'il y a du sang, il y a du sexe, il y a de tout là-dedans, c'est génial. D'accord, la définition de la série. Bon, c'est parfait. Si vous avez une idée de la série qu'on cherche aujourd'hui, allez-y, c'est votre jour de chance. Vous envoyez FUN, F-U-N, par SMS au 6322 avec la série qu'on cherche, tirage au sort, juste après le son de Julian Peretta qui débarque sur FUN. Welcome tout le monde. So hard to think about what we could have been. Where love could have taken us, blame it on the wind and cry, cry, cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water. So emotional, come we make a truce. 'Cause I cry, cry. You

je galère sur ma route. Et ouais, avec ce temps de merde, comme on dit en Belgique. Bon courage en tout cas si vous êtes sur la route. Merci de passer votre après-midi avec nous sur Fun Radio. On va vous redonner le sourire. On va se faire le son de Face featuring Afrojack avec Hey. Il y a aussi la jolie Ariana Grande. Ah, avec ouais. Qu'elle est canon. Et j'adore le titre, c'est Into. Attends, Into You. Genre tu vas dedans. Ouais ouais, moi aussi Into elle, tu vas voir ça. Je savais que ça allait vous chauffer un titre pareil avec Ariana Grande. Elle arrive avec sa voix sensuelle dans quelques petites minutes. Mais d'abord, j'ai une annonce de la plus haute importance à faire. Musique de circonstance. Les amis, attention, qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure les gars, que si vous demandiez un poney, il arrivera plus vite qu'un auditeur pour me consoler, ouais, c'est ça? C'est vrai. Parce que j'ai dit que j'avais peur des orages, comme il y a des orages là pour le moment, j'ai besoin de quelqu'un qui me réconforte, parce que franchement, alors c'est, qu'on c'est, était là, tu vois, c'est une vraie angoisse, oui mais non, parce que non. Ouais, ouais, vous, vous faites juste que me stresser, il n'y a pas vraiment un côté rassurant, un côté gentil, tout ça, où j'ai envie de me blottir contre non, vous. Ça va. Et du coup... Eh ben, on a Charlotte qui est là. Bonjour Charlotte. Salut. Ça va? Bien, bien. Bon, alors Charlotte, toi tu viens de Forêt, c'est ça? Ouais. T'as entendu le truc à la radio, t'as fait le déplacement pour ouais. venir me rassurer. Exactement. Bon, alors c'est toute l'histoire de ma vie par contre. C'est-à-dire que Charlotte c'est une fille. Voilà. D'accord. Ouais, mais nous ça nous fait plaisir. C'est on ça, va c'est... chercher le produit non. vaisselle, la caméra, et on va vous mettre une petite bassine et vous allez vous rassurer tous ne les deux. Ne vous emballez filles. Pas parce que Charlotte m'a dit, parce que j'ai dit oui, mais moi je voulais un auditeur parce que sinon c'est pas voilà. Elle me dit non, non, mais moi j'aime bien les filles. Hein. Ah bah voilà. Sandra va chercher mes mouchoirs. C'est parti. Oh bah alors ça va du coup, Charlotte, faut que tu me fasses un câlin en direct à la radio. Okay. Allez viens. Allez, c'est bon, un câlin avec Charlotte en direct. Faut pas de l'orage du coup. Bah c'est pas grave, il y en a assez, t'es ici en forêt. Vas-y Charlotte, on se fait un câlin, voilà. Ah, oh, c'est mignon, il faut un câlin avec la langue. Oh, mais non. Charlotte, t'es célibataire ou alors est-ce que tu n'es plus un cœur à prendre? Célibataire. Célibataire. Ah, ouais. Ah. Tu as quel âge? 24 ans. Non mais tu sais, à un moment donné je me dis que comme avec les hommes ça marche pas bien. Bah à un moment donné il faut passer à autre chose. Peut-être hein. que je peux changer de bord aussi, pourquoi pas. Et après ça il reste les animaux. Les animaux, oui mais bon ça non, c'est j'ai deux chiens et un chat au cas où. Je passe à... Oh bah non. Mais sérieux, il y a un gars, il a essayé avec des chèvres, ça s'est pas bien passé, moi ah. je vous le dis. Ah bah je l'avais dit. Putain, elle avait dit qu'elle dirait rien la chèvre. Bon hé, Charlotte en tout cas merci. Et j'avais promis que le premier qui viendrait me faire un câlin pour me rassurer repartirait avec du cadeau Fun Radio. Eh bah tu repars avec du cadeau Fun Radio. Merci. Bravo. Bon, vous aussi, vous allez peut-être repartir avec du cadeau. On va tirer quelqu'un au sort dans un instant qui va peut-être repartir avec son overboard d'une valeur de 700 euros. Tirage au sort, juste après Face et Afrojack sur Fun. Dès 23h, Libertad, l'Open Space, avec Mike, sur Fun Radio. Pas bien. On ne dit pas si, pas et bien, on ne fait pas deux secondes de blanc, on ne dit pas deux fois le même son, on tient 30 secondes, on repart avec une montre connectée. Avec moi, ils sont toujours perdus. Allô, Héloïse. Oui. Bon, vous avez fait quoi de votre journée? On a bu, boire un coup. Boire, vous a, on non. a bu, non, on non, a non, c'est boire. Bon, ça passe. Ça passe? Ça passe. Bon, bah, elle a gagné. Oh, arrêtez les conneries. Non, mais là, je suis pas content. Rencard ce soir, à 23h, pour le retour des délires sur Fun Radio. L'Open Space, avec Mike, le soir sur Fun Radio. Yo, je suis un rappeur du matin au soir. Je vis ma vie sur le fil du rasoir. Jouer avec le kilométrage, non mon gars, je trouve pas ça très sage. Avec le car passe, fini le traficotage. Chaque voiture a son histoire, faut l'assumer. Tout le monde peut vérifier que le compteur est ok. Tricher avec les kilomètres, tu vas te faire coincer. Tu vas te faire coincer. Coincer. Faut arrêter. Carpass, depuis 10 ans, la garantie officielle du kilométrage réel. Kyo est présente. Chaque inconvénient a son avantage. Inconvénient. Vous devez faire le plein. Oui, je dois faire le plein. Avantage. Cette semaine, dans tous les Kyo est avec Deleuze Shop & Go, vous trouvez un poulet rôti à emporter pour seulement 4 euros. Un poulet rôti? Et y a plus qu'à le réchauffer? Oh, c'est du luxe. Ça, c'est un bel avantage. Quand on veut vite trouver en cours de route une idée pour le dîner. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Passez donc maintenant dans un Kyo et de près de chez vous. Action sous condition. Du lundi au vendredi à 19h40 sur Plug RTL, touche pas à mon poste. Vous avez déjà embrassé un mec direct comme ça que vous connaissiez pas? Non. Eh ben allons-y. Gros délire et buzz au quotidien, orchestré par Cyril Hanouna. Bim bam boum, ça met la patata splitas. Hein. Arrête de se renifler comme un taureau. Y a pas de limite ici. Est-ce que je peux changer de place? Non. Touche pas à mon poste. Du lundi au vendredi à 19h40. Plug RTL. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Fun. Fun Radio. Le son dance floor. Le son dance floor.

say hey, hey, hey, hey. I say hey, would you come with me? I say hey, hey, hey, hey, hey. Would you stay with me? I say hey. Dans un instant, on va savoir qui va repartir avec son Hoverboard, l'Hoverboard Iron Man, d'une valeur de 700 euros. Je vous explique tout ça juste après la nouveauté maintenant. Nouveauté, new music, découverte Fun Radio. Et la voix langoureuse, la voix charmante, ça va vous donner des frissons dans la voiture. Ariana Grande, c'est son nouveau titre maintenant sur Fun Radio, Into You. The line, yeah. So name my Alors, vous la trouvez comment, la nouvelle chanson d'Ariana Grande? C'était Into You sur Fun Radio, 3044 pour vos messages et nous donner vos petits avis. On va sur le son de Dimitri Vegas et Like Mike. Les DJ belges numéro 1 au monde, c'est Arcade qui arrive sur Fun Radio. Mais d'abord, Dimitri Vegas et Like Mike, ils vont laisser la place à Benoît qui vient de Jean Blou. Benoît qui va tenter sa chance pour essayer de repartir avec son overboard d'une valeur de 700 euros. Bonjour Benoît. Salut Audrey, salut l'équipe. Bah, on salut. A l'impression que tu parles dans un vieux téléphone des années 50. Benoît, j'ai envie de m'aller dans la voiture. Ah mais c'est ça, t'es sur la route, ça va, c'est pas trop galère? Non, je me suis garé quand même. Ah, ça va alors. Monsieur, fais attention à la sécurité, c'est très bien, important. Benoît. Félicitations. Quand même. Bon, Benoît, on est à la recherche d'une série télé. Je te fais réécouter le son, tu me donnes ta réponse juste après. Ouais. Qu'est-ce que c'est beau. C'est limite romantique. Sauf quand t'as vu la série, tu te dis quand même que c'est pas très très romantique finalement. Benoît, t'as envoyé un message au 6322, t'as envoyé quoi comme réponse? J'ai envoyé Viking. Viking, les Vikings. Les Vikings, c'est quoi ça? Vous connaissez pas la série Les Vikings? Non. Ah bah suis quand même. J'ai vu un épisode moi, c'est pas top. C'est super à la mode en plus. Mais Benoît, ce n'est pas les Vikings, je suis désolée mon Benoît. Comment c'est possible? Eh, mais mon Benoît, tu sais ce que tu fais, tu retentes ta chance. Du coup, je suis sûre que tu l'auras au prochain coup. D'accord? Ok, bah j'essaye. Hein. Eh bah écoute, bonne merde à toi, comme on dit dans ces cas-là. Je te fais des gros bisous, Benoît. Bon courage sur la route, tu reviens quand tu veux. Ouais, merci, c'est gentil. Bisous, bisous, Benoît. Du coup, ce n'est pas les Vikings, ce n'est pas la bonne réponse. Et on me dit par SMS aussi, je pense que c'est Banshee. Vous connaissez cette série? Banshee. Je connais pas du tout, moi. Ça n'a rien à voir, hein. Qu'est-ce qu'on peut donner comme indice sur la série? Il faut donner un indice. Bah, le générique n'est pas suffisant. Bah, mais qu'est-ce que c'est que ce scandale? Mais ça va aller, oui. Non, mais il y a des trucs qui m'énervent avec lesquels je ne plaisante pas. Bon, mais puisqu'il faut donner un indice, et on n'en donnera qu'un. Ok, Winter is coming, point. Oui. Ne dis rien. Winter is coming. C'est avec ça que tu trouves pas? C'est ça l'indice, mais moi je connais la série, je vois pas le rapport. Pardon? Moi je connais pas la série et je fais pas de lien en fait avec le. Bah allez, imagine-toi, regarde. Peut-être qu'il y a des auditeurs qui sont comme Sandro qui n'ont même jamais entendu parler de cette série. Un peu inculte comme moi. Tu dois. Mais non, bah, c'est pas forcément être inculte, mais. Bah si, enfin à un moment donné. Allez, vas-y, essaye de donner un indice pour que Sandro comprenne et tous les auditeurs aussi qui ne connaissent peut-être pas la série. Un truc. Fauteuil en épée. Ah le trou. Oh. Ah oui. Malheureuse. J'ai rien dit du tout. Si vous avez une idée de la réponse, allez-y. Vous envoyez fun avant, sinon ça compte pas. Donc FUN par SMS au 6322 avec la série qu'on cherche et on refait un tirage au sort avant 18h. C'est promis. Côté son dance floor maintenant. Ça va vous réveiller si vous êtes dans la route et que vous êtes un peu en galère. C'est le son de Dimitri Vegas featuring Like Mike qui arrive sur Fun. Bougez pas. Grâce au Last Minute Opel, vous pouvez partir en voyage dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Voici déjà un cours express d'espagnol. Deux cocktails. Dos cocteles. Et pour moi, le homard. Y para mí la langosta. Surfez vite sur opelstock.be et prenez la route dans une Opel de stock à prix super attractif. Le tout nouveau Samsung Galaxy S7, vous en rêvez? Avec l'avenir, offrez-vous votre smartphone ainsi que toute l'actu belge, internationale et celle de votre région pour seulement 28 euros par mois. Faites-vous plaisir et profitez de cette offre limitée. Rendez-vous vite sur l'avenir.net/smartphone. L'avenir, l'avenir est au contenu. Charlie avait de drôles de dames. Audrey, elle, a de drôles de collègues. Happy Hour, 17h-20h sur Fun Radio. si avec tout ça on n'est pas réveillé. Dimitri Vegas et Like Mike à l'instant sur Fun Radio, on va enchaîner avec The Chainsmokers. Allez, c'est reparti pour un tour. On s'en fout, même quand il fait mauvais, ici sur Fun Radio, ça continue. L'infotrafic dans la P-Hour. Ce sont de vraies infos, mais c'est pas un vrai commandant. Et par contre, au niveau de la route, on peut pas faire grand chose pour vous, si ce n'est vous soutenir à fond et être là avec vous jusqu'à 20h. Et Mister Jacobus va nous dire comment ça se passe sur les routes. Bah oui, pas très bien, hein. Alors, les auditeurs, on est sous la pluie. Je rigole. Non, allez, on va arrêter de se moquer de vous. Je signale un accident sur le N4 Ciné vers Luxembourg. Et là, j'ai plus d'écran, il y a eu un... C'est pas possible. On va mourir. Chaque éclair, oh, mon écran s'éteint. Vous entendez, sérieux? Oui, non mais arrêtez, oui, maintenant, oui. Moi ça me fait pas rire. Hein. Non mais non, j'ai des frissons, moi j'ai peur de l'orage. Attends, parce qu'il y a les écrans de la radio qui se sont éteints. Ça veut dire que l'orage est tombé tout près. Non, non, moi j'arrête l'émission. Le pire, c'est que j'ai essayé d'appeler le boss, qui est normalement encore dans son bureau, mais il est déjà parti. Mais t'inquiète, lui, il a tout compris, il s'est barré, il s'est dit ok, ça pue ici, moi je me barre. Si vous voulez, d'abord je termine l'infotrafic, ouais. Et après l'écran on se fait électrocuter, bon oui c'est revenu. Okay. Donc N4 Ciné vers le Luxembourg, chaussée fermée suite à un petit accident, un camion qui a percuté un véhicule, camion 1, véhicule 0, on est occupé à décoller la mobilette de la roue arrière du camion, personne n'a souffert, ça a été très rapide, un objet encombrant sur le 42 à Rinz. Direction de Liège, chaussée complètement obstruée, situation est dangereuse, ne paniquez pas, Marie de Bloc vient récupérer sa petite culotte très rapidement. Et alors, des gardiens de la prison de Jamiu bloquent actuellement le rond-point du Bultia à Jerpine. Oui, alors, moi je vais juste poser une question, les gars, qui surveille la prison pendant ce temps-là? Bah ils vont se barrer les gars, hein, qu'est-ce que tu veux? Ok, bah courage, si t'habites à Jerpine, ferme ta porte à clé. Bon, et si vous avez des infos sur le trafic, allez-y, vous nous envoyez un petit message au 3044. Et comme ça, bah, on prévient tout le monde. Bon courage, en tout cas, si vous êtes dans les embarras de circulation. On va se faire le son de Chainsmokers, comme promis, sur Fun Radio. Il y aura aussi Rehab dans un instant avec Freak. Et puis, on a toujours cet overboard d'une valeur de 700€ à vous filer. L'overboard, il a de la musique intégrée. Il a des LED intégrées. Ce n'est pas qu'un overboard, c'est le overboard. Il a des ailes aussi. Il a des ailes aussi. On cherche une série télé où il y a un trône. Si vous avez une idée, allez-y. Fun par SMS au 6322. Bonne chance tout le monde. My head, darling, I hope that you'll be here. Bienvenue sur Fun Radio, si vous venez de vous brancher, moi je m'appelle Audrey, si c'est la première fois que vous écoutez Fun Radio, on est en mode Happy Hour avec toute l'équipe, il y a Fab d'un côté, il y a Sandro qui est là aussi, il y a Charlotte, notre auditrice qui est venue nous faire un coucou aussi, ça va Charlotte, ça se passe bien. La suite de son, c'est avec Rehab que ça se passe, avec Freak sur Fun Radio, mais avant ça, c'est parti pour l'horoscope. L'horoscope sur Fun Radio. Et alors il y a des auditeurs qui ont envoyé des petits messages au 3044. On dit un accident sur le 411 Namur direction Bruxelles à hauteur de Corroy-le-Grand. La voiture est à l'envers. On dit que c'est le gros bordel apparemment ça sur le ring. Plus, alors, bah non, c'est mieux sur les roues, hein. Sinon ça n'avance pas bien. Hein. C'est ça le principe. Hein. Bon, l'horoscope aujourd'hui, ça tombe bien. On va vous dire si vous êtes du genre à supporter le soleil ou alors si c'est pas vraiment votre truc, quoi. Et si c'est pas vraiment votre truc, et ben vous êtes bien en Belgique. Bien, ça, bien, je bien, vous bien dire. Dans la merde. Les béliers. Alors pas vraiment, non. Au soleil, votre graisse fond comme un morceau de beurre dans une poêle. Les taureaux. Vous adorez la chaleur et le soleil. En même temps, on sait tous que vous êtes une grosse chaudasse. Ça va, toi. Les gémeaux. Vous adorez le soleil, votre peau un peu moins. Vous ne bronzez pas, mais vous devenez rose, comme les homards. T'as déjà vu des homards roses, toi? Bah ouais, ça rose, ça devient bah oui, c'est rose. Mais non, c'est rouge, un homard. Ouais, rouge, rose, rouge clair. Tu racontes vraiment n'importe quoi, sérieusement. Les cancers. Alors, si votre surnom, c'est Dracula, c'est pas parce que vous faites l'amour à votre copine, même lors de sa mauvaise semaine. Oh. C'est parce que vous attrapez des coups de soleil, même avec une lampe de chevet. Vierge. Votre peau est tellement fragile qu'au moindre rayon de soleil, elle devient sèche. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Aussi sèche que l'intérieur de Mère Teresa. Sérieux, j'ai trop peur. Les lions. Votre peau ne supporte rien, alors le soleil, vous êtes capable de choper des coups de soleil avec la lumière de la lune. Les balances. Vous ne savez pas comment vous réagiriez face au soleil. Vous ne savez pas ce que c'est le soleil. Vous habitez en Belgique? Non, bah tu m'étonnes. Les scorpions. Vous supportez très mal le soleil. Votre peau est tellement pourrie que même les roues sautent de votre gueule. Sagittaire. Alors vous avez beau vous foutre de la gueule du scorpion, on vous rappelle que vous êtes roux et que vous et le soleil, c'est pas top top. Qu'est-ce que t'as fait avec les roues? Arrête un peu. Rien, j'ai rien. Les capricornes. Vous ne supportez pas le soleil et vous passez votre temps à l'éviter, un peu comme si vous lui deviez de l'argent. Verseau. Alors vous, vous adorez le soleil. Vous êtes comme les Magic System. On vous voit que quand il y a du soleil. Et enfin, les poissons. Au moindre rayon de soleil, vous chopez des taches de rousseur. Au début, c'est mignon. Maintenant, on dirait un vieux legging léopard qui sort de la machine. Oh non. C'est horrible. Et il y a Logan qui me dit: hello, le carreau de ma chambre vient d'exploser. Oh merde. Et ça fait flipper. Non mais sérieux, tu sais quoi, on ne bougera pas de ce studio. Rien à foutre. On a peur de rien. Même de l'orage. Même tu, si mais je flippe tu parles à mort. En ton nom là. Laisse tomber. Et on dit attention, gros grelon qui tombe à Schumann. C'est Alessandro le dépanneur. Et bon courage si vous êtes sur la route. Soyez bien prudent en tout cas. On va se faire le son de Rehab là maintenant sur Fun Radio. Il y aura les infos people qui vont arriver. On va se faire les infos qui ne servent à rien. Il y aura le tic-tac boom et toujours le Overboard qui est pas tombé, restez bien là si vous voulez essayer de le choper. Je vous explique tout ça juste après Rehab sur Fun. La pluie, il l'ignore aussi sec. Les feuilles mortes mouillées, elles glissent sur son indifférence. La neige, elle tombe très mal si elle croit lui faire peur. Grâce à l'option Grid Control, le nouveau SUV Peugeot 2008 est conçu pour dominer les éléments. Et grâce au Peugeot Private Lease, roulez tranquille au volant du SUV 2008 à partir de 269€ par mois, taxes, assurances et entretien compris, et sans apport. Découvrez-le lors du week-end de lancement, les 11 et 12 juin. Offre de location full service soumise à conditions réservées aux particuliers. À la radio, le message doit être clair et concis. Alors, Pizza Hut, mardi malin, 5,95€ pour une pizza médium à emporter. Bon, très bien. Mais t'as encore 3 secondes, hein? Ouais, pas de problème. Pizza Hut, Pizza Hut, Pizza Hut. Ça, c'est parfait. Pizza Hut. Bon, cet été, en pleine Coupe d'Europe, vous ne serez pas là après le match pour remplacer le hamburger de votre fils par une délicieuse quiche au brocoli. Bah non. Sauf si... vous rentrez dans le snack le plus proche de l'endroit où votre fils regarde le match. Bonjour, un hamburger, s'il vous plaît. Et vous prenez discrètement une photo du gérant. Avec ou sans cheese? Vous l'inscrivez sur un site de rencontre de femmes matures et disponibles. Disponible.be. Et vous attendez que les femmes matures et disponibles l'appellent au snack. Pendant qu'il répond aux femmes matures et disponibles... Allô, c'est Sylvia, je suis une femme mature et disponible. Oh, toi. Vous remplacez le hamburger par une délicieuse quiche au brocoli. Mais disponible dans quel sens? Ouais. Vaut peut-être quand même mieux donner de bons produits frais Lidl à votre enfant, maintenant. Les produits frais de chez Lidl, pour tous ceux qui comptent. On ne devrait pas passer ses vacances à chercher du Wi-Fi. Alors chérie, aujourd'hui je te propose de déjeuner à l'hôtel. D'accord. Et puis après on peut aller se décourdir les jambes, ouais, dans les couloirs de l'hôtel. Ah. Et puis prendre l'air sur la terrasse de la chambre de l'hôtel. Et alors l'après-midi, ça, on est fou, on part pour une petite visite des cuisines de l'hôtel. C'est super. Avec Orange, ne cherchez plus de Wi-Fi. Appelez, envoyez des SMS et surfez partout en Europe au même prix qu'en Belgique. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Fun Radio. Le son. Oh. oh my, oh my God. This girl straight and this girl not. Tipsy off that piece of rock, like. Ching-a-lang-lang, ching-a-lang-a-lang-lang. Jeans so tight, I can see loose change. Do your thang thang, girl, do that thing, like. Get it ugly. Get it ugly. Damn, that's ugly. Bruh. That thing, do your thing, thing, girl, do that thing, like. Turn them pretty faces, girls trying to press each other in place. All the trouble freaks, you ain't got much trouble, cause baby. I'ma say some only cause I love you. People all around the world, sexy motherfuckers. Get ugly. That's ugly. Hey, Rick. This beat give me that ugly face, man. So ain't nothing but trouble. Baby, I'ma take some only cause I love you. People all around the world, see motherfuckers. Charlie avait de drôles de dames. Audrey, elle, a de drôles de collègues. Happy Hour, 17h-20h sur Fun Radio. Everybody sing, cause we don't give a damn about a thing. Cause I'll be a freak until the day, until the dawn. And we can all through the night to the early morn. Come on and I will take you around the hood on against the lead. Cause we can any time of day, it's so good for me. I am. about this thing, cause we don't give a damn about a thing. Cause I'll be a freak until the day, until the day. Oh yeah, and we get all through the night to the early morn. Come on and I will take you around the hood on against the lead. Franchement, l'heure est grave, quoi, les amis. C'est quoi ce temps, franchement? Et la pluie, elle s'accélère de ouf ici à Bruxelles. Je sais pas comment ça se passe chez vous, mais c'est le gros bordel. Imani, c'est ce qui arrive côté son dancefloor. Juste le temps de vous rappeler qu'on vous file votre hoverboard, l'hoverboard Iron Man. Non, on vient de changer de cadeau. Maintenant, on offre des canoës gonflables pour tout le monde, pour tous ceux qui sont dans le besoin et qui vont être inondés. Parce que ça continue comme ça, c'est la catastrophe. Mais franchement, sérieusement, Carlo, il va nous parler de la météo tout à l'heure, mais ça fait flipper, hein. Ça, et ça s'accélère. On va être inondés même ici à Bruxelles. Tu parles. En plus, on est à l'altitude 100 ici à Forêt. C'est genre un des points les plus hauts de Bruxelles. Et ben, je suis sûre. Ouais, franchement, c'est vraiment la grosse galère. Bon courage à tous ceux qui sont dans les embouts ou alors sous la pluie. Est-ce qu'il y a des régions qui sont épargnées? Parce que, genre, hier, c'était où? Il n'y avait rien, ça fleurit. Les Maldives, les Bahamas, en Floride, ça va, c'est bien. Ici, c'est la gueule. Mais rigole pas, hier à Fleurus, genre il y avait un microclimat, il y a un auditeur qui a dit qu'il y avait que dalle, il a pas eu mais de pluie. Ça c'était avant. Ouais, ça c'était avant. 5 minutes après, moi j'ai comme entendu un truc très drôle, il y a une meuf qui m'a dit: ouais, mais c'est normal que chez nous il y ait des inondations et tout, parce que à Paris il y a trop d'eau, il faut bien qu'elle aille quelque part, alors elle coule vers chez nous. C'est une blague. Oh là là. C'était Nabila ou sa petite soeur, ou comment ça se passe? Non, c'était sa copine. Oh mon dieu, quoi. Bon, si vous voulez essayer de repartir avec votre hoverboard d'une valeur de 700 €, c'est un des plus beaux hoverboards qui existe au monde. Il a des petites lumières intégrées en mode LED. Il y a aussi la possibilité de brancher genre votre téléphone et vous pouvez écouter de la musique. T'imagines, tu ou peux alors faire Fun Radio, un délire. Ou tu te branches sur Fun Radio, ouais, pourquoi tu pas. Tu mets la Pure comme l'émission. Ça. T'imagines, tu mets une télé et tu regardes les matchs des diables. Non, mais imagine, tu te balades en ville tranquillou avec ton hoverboard. Pour ceux qui voient pas trop ce que c'est comme une planche à roulettes 2.0. C'est-à-dire que vous vous mettez dessus, ça avance tout seul, ça va jusqu'à 15 km/h. Ça coûte 700 €, quoi. Quand même. Ça coûte cher, ce truc, hein. Si vous voulez repartir avec, il faut me retrouver cette série. Et ce n'est pas les Vikings qu'on nous a dit tout à l'heure. Je vous laisse une dernière chance de pouvoir vous inscrire maintenant. Je fais le tirage au sort juste après les infos. Il faut envoyer FUN, F-U-N, par SMS au 6322 avec la bonne série télé qu'on recherche. Bonne chance tout le monde. Fun Radio. Fun. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. Côté son dancefloor, c'est Imani que je vous ai calé pour la suite avec Don't Be So Shy. Il y aura aussi Nelly, on va se faire un petit souvenir. Le son de Benny Benassi pour suivre. Tout ça, ça arrive après les infos avec Carlo Morello. Salut Carlo. Ouais, si je gueule pour les infos, c'est juste parce que j'ai peur des éclairs. Hein. T'as peur des éclairs? Oh, courage mon Carlo, on est là, on te soutient, vas-y. Et tout d'abord, n'oubliez pas de remplir et d'envoyer au fisc votre déclaration d'impôt. Sauf évidemment si vous faites partie de ceux qui ont la possibilité de planquer leurs millions aux îles Caïmans ou ailleurs, là où il fait beau. Pour ce qui est des mandataires politiques, ils remplissent évidemment tous scrupuleusement leur devoir de citoyen et n'écoutez pas les discours populistes affirmant le contraire. Par contre, là où il y a, paraît-il, un léger problème, en ce qui concerne la déclaration de mandat et de patrimoine, chaque année, les mandataires et hauts fonctionnaires doivent la déposer à la Cour des comptes et il y en a beaucoup qui oublient de le faire. Bon, c'est vrai que ces gens doivent penser à beaucoup de choses très importantes, hein. On peut comprendre qu'ils en oublient certaines. Or, cette année 2016, on compte 2836 mandataires politiques distraits. Une distraction qui concerne surtout les libéraux, donc le MR côté francophone et l'Open VLD en Flandre. Le site Cumuleo qui publie cette étude demande donc aux partis politiques de prendre des sanctions à l'égard de ceux qui refusent la transparence. On ne sait jamais, hein, des fois qu'ils le feraient. La boîte noire du train de voyageurs impliqué dans l'accident de dimanche soir et qui a fait 3 morts et 9 blessés. La boîte noire donc a été retrouvée, voilà ce qu'on a appris ce matin. Ah bah c'est évidemment plus facile que pour les avions, hein. Pour vous dire, on n'a toujours pas retrouvé celle de l'appareil d'Égyptair qui a sombré en Méditerranée il y a près de 2 semaines maintenant. Bon, pour revenir à notre accident de train, on a appris via différents témoignages que le conducteur du train de marchandises embouti par le train de voyageurs serait hors de cause. Il a scrupuleusement suivi les consignes. On en saura donc plus et plus précisément très bientôt. Les manifs et les grèves en Belgique, quand il n'y en a plus, il y en a encore. À 17h, je vous parlais du mouvement d'humeur des magistrats qui se sont rassemblés dans tous les palais de justice du pays pour dire non aux mesures d'économie envisagées, alors que le secteur de la justice est déjà sous-financé et pas un peu. Et puis ça fait une semaine maintenant que les éboueurs de l'intercommunal IGA sont en grève. Une grève qu'ils ont décidé de poursuivre ce matin et dont les conséquences commencent à se faire sentir, c'est le mot qui convient, avec des poubelles qui s'amassent et s'entassent dans la région de Mons-Borinage et du centre. Il est donc demandé à la population de ne pas les sortir. Une nouvelle assemblée générale est prévue vendredi. Et puis ce qui est prévu vendredi également, bah c'est le début de l'Euro 2016 de football. Hein. Ce qui a déjà commencé par contre, c'est son équivalent outre-Atlantique. Je parlais de la Copa América avec une première victoire de l'Argentine. 2-1 face au Chili et sans Lionel Messi qui était sur le banc. Une grande première hein, depuis qu'il est en équipe nationale. Le petit génie de Barcelone est en effet fatigué et perturbé par un hématome. Cette Copa América a débuté samedi déjà et on relèvera notamment le nul blanc du Brésil face à l'Équateur et la victoire assez large du Mexique contre l'Uruguay 3-1. Fun Radio. Fun. Maintenant dans les stations Q et avec Deleuze Shop & Go, un poulet rôti pour seulement 4 euros. Réchauffez-le à la maison et à table. Rendez-vous vite chez Q8. Oufti, il y a Kevin qui nous dit par SMS au 3044 qu'il y a 50 cm d'eau dans sa rue. Il habite Belleuil. Merci de me donner la pêche. Bah de rien, mon Kevin. Du coup, mon Carlo, ça va être comme ça tout le temps? Bah, tout le temps, quoi? Tout le temps. Bah, je sais pas, demain, il va faire meilleur ou alors? Non, demain, il y aura toujours des averses le matin, mais je dis pas qu'elles sont orageuses. Hein. Il va pleuvoir avant le retour, non seulement un temps sec l'après-midi, mais de belles éclaircies un petit peu partout sur le territoire, si ce n'est peut-être sur l'extrême est du pays. Donc ça va s'arranger, rassurez-vous. Prochain rendez-vous Info dans une heure, je vous laisse en compagnie d'Audrey et du son d'Imani. Salut. Fun. Fun Radio. Achetez un paquet de charcuterie fine chez Charles et gagnez une TV à écran plat grâce à notre concours de foot Euro 2016. Jetez un œil sur chezcharles.be. Trouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée. Partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio. Et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. Si Rémi avait fait appel à l'Happy Hour, il lui aurait sûrement trouvé une famille. En cas de problème, un seul numéro, celui de l'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. Take a breath, rest your head. Close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my skin, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and my soul got, oh, here so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're La suite du son d'Ensplore sur Fun Radio, c'est avec Avic, c'est avec Vicky Pelagi que ça se passe. Paradise sur Fun Radio. On va se faire un petit souvenir aussi avec le son de Nelly juste avant. Et on va savoir maintenant, les gars, attention, qui va être le grand gagnant de cette Hoverboard. L'Hoverboard Iron Man. Oh yeah. Ouais, parce que c'est pas un Hoverboard comme les autres. Parce qu'il y a les Hoverboards classiques, d'accord. Genre c'est comme une planche à roulettes 2.0 pour ceux qui voient pas trop ce que c'est. Mais celui-là, celui qu'on vous offre aujourd'hui, qui coûte quand même 700 boules, il a des trucs en plus, c'est-à-dire qu'il a des LED. Donc il y a des lumières dessus, ça c'est classe quand même. Il vous fait à manger aussi? Non, ça il fait pas, mais il par contre. Non, il fait pas clipper, mais par contre ce qu'il fait, c'est que vous pouvez écouter de la musique aussi en direct. Et ça c'est la classe. Vous êtes en train de vous balader avec votre hoverboard et vous mettez la petite musique que vous kiffez, vous écoutez l'émission par exemple. Au final, c'est un hoverboard sur dance floor. C'est ça. C'est et un peu ça. Son il a classe. Qu'est-ce qu'il est intelligent celui-ci. Ouais, bon, vite fait quand même. On a Dino qui est là, qui vient de Liège. Salut Dino, comment ça va? Ça va bien. Salut Audrey, salut l'équipe. Salut. Comment ça se passe du côté de Liège, Dino? C'est la galère ou pas? Bah pour l'instant pas encore, il fait gris mais... Ah ça c'est dégueulasse. Ça va tomber. Ouais, je vous ai dit qu'il y avait des microclimats en Belgique. Genre ici c'est à Bruxelles, dingue, c'est le déluge quoi. Ah mais t'inquiète pas, hein, Bruxelles-Liège c'est une heure, donc dans une heure la pluie elle est là. Voilà, il y en aura pour tout le monde. Ça va arriver, ça va arriver. Ouais bah oui Dino, fais pas le malin. Bon, mon Dino, on est à la recherche d'une série télé. Je te fais réécouter le son, tu me files ta réponse après, on voit si c'est juste. Attention, ta réponse va peut-être te permettre de repartir avec cet hoverboard à 700 euros. Dino, ouais, à ton avis, ouais, quelle est la série télé qu'on cherche aujourd'hui dans l'émission? Game of Thrones. Game of Thrones. Et ben... Et ben c'est bon. Ouais, ouais. Wow. Yes. Félicitations Dino, l'hoverboard il est pour toi à 700 euros comme ça, bim, sur Fun Radio, ça te fait plaisir? Ah bah vachement, ouais, première fois que je joue. Ah bah t'as du bon, voilà. Qu'est-ce qu'elle fait ta femme ce soir? Bah pour l'instant elle revient du travail. Tu crois Dino? Je pense qu'elle est occupée à faire autre chose, vérifie Dino. Félicitations en tout cas, tu raccroches pas, on va prendre toutes tes coordonnées, t'envoyer très vite ton hoverboard, ça marche? Merci, je peux faire une petite dédicace? Bon bah vas-y mon Dino, fais-toi plaisir. Ah bah dédicace à Val qui te reconnaîtra, Benoît, Maxime et Fabio alors qui m'écoutent probablement. Et bah on leur fait des bisous à tous aussi Dino, voilà. Tu reviens quand tu veux sur Fun Radio, t'es le bienvenu, je te fais un gros bisou. Merci. Salut. Et si vous aussi vous voulez de repartir avec votre hoverboard, bah c'est possible, on en aura encore un à vous filer avant 20h. Mais d'abord, le son Dance Floor continue sur Fun Radio dans un instant. C'est Benny Benassi, mais avant c'est Nelly, c'est bon ça. She could be 18 with an attitude of 19, kinda snotty, acting real rude. But as long as you a thicky, thick girl, you know that it's on. You know that it's on. I peep something coming towards me up the dance floor. Sexy and real slow. Saying she been peeping and I dig the last video. Somewhere never we could go. How could I tell her no? Measurements was 36, 25, 34. Yelling. I like the way you brush your hair. And I like those stylish clothes you wear. I like the way the light hit the ice and glare. And I can see you moving way over there. Without no vouchers or no boosters, bringing nothing back. You should feel the impact. Shopping with plastic. When the sky's the limit and them haters can't get past that. Watch me as I gas that. 4-6 rain. Once again, anything changed. Every time I switch lanes, it feels strange now. Making a living on my brain instead of cane now. I got the title from my mama, put the whip in my own name now. Damn, shit to change now. Running credit checks with no shame now. I feel the fame, come on. I can't complain no more. shit, I'm the main now, in and out my own time. I'm getting pictures out of New Jersey from Courtney B, telling me about a party up in NYC. And can I make it? Damn right, I'll be on the next flight, bankhead, first class, sitting next to Vanna White. Come on, if you wanna go and take a ride with me, we three wheeling in the four with the goatees. So how many people straight out of the flow? Most said that I was a failure, but now the same motherfuckers asking me for dough. And I'm yelling, I can't help ya. Yo, Nelly, can we get tickets to the next show? Hell no. Now that I'm a fly guy, and I fly high, niggas wanna know why. What? Why I fly by? But yo, it's all good. Range Rover, all wood. Do me like you should, fuck me good, suck me good. We be no stud niggas, wishing you was niggas. Popping like we drug dealers, sipping Chrissy Bud Mackin. Honey in the club, me in the Benz. Icy Chris telling me to leave, but you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the diss. And if Shorty wanna rock, we rockin' the diss. And if Shorty wanna pop, we poppin' the Chris. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk, city listen. Wanna fuck fly bitches when I walk. Pay attention, see the ice in the bliss. Niggas stir, know they diss. Honeys look, know they wish. Come on, boo, give me a kiss. Come on. If you wanna go and take a ride with me, we three willing in the four with the goatees. So why do I live this way? Must be the money. If you wanna go and get high with me, smoke a L in the back of the Benzie. Oh, why must I feel this way? Must be the money. If you wanna go and take a ride with me, we three willing in the four with the goatees. So why do I live this way? Must be the money. If you wanna go and get high with me, smoke a L in the back of the Benzie. Oh, why must I feel this way? Must be the money. Must be the money. Must be the money. Must be the money. Must be the money. If you wanna go and take a ride with me, we three willing in the four with the goatees. Oh, why do I live this way? Fun Radio. Fun. Fun Radio. Le son dance. I'm here at the end, yeah. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. Now will you remember? Remember me when I'm gone. Remember the heat, yeah. That's keeping you warm, saying fire. Tonight is the last On termine le mardi ensemble là, sur Fun Radio. J'espère que ça se passe bien de l'autre côté de la radio. Merci de passer votre soirée avec nous. Côté son dance floor, dans un instant, c'est le son d'Ellie Goulding qui arrive sur Fun Radio avec Something in the Way You Move. Et ça, c'est beau. Il y aura aussi le tout nouveau son d'Autonose avec Avicii. Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours, un seul, l'agence Tourisque. Ah non, en fait, c'est plus eux qu'il faut appeler, ça a changé maintenant. Si tu veux des résultats, appelle la Piawa. Eh ben ouais, c'est comme ça que ça se passe. Vous vous branchez sur Fun Radio, vous avez un problème, vous êtes pas dans vos chaussettes, comme on dit. Je suis pas sûr que ça existe, non, ça cette expression. Pas, tu viens d'inventer, au fait. Dans vos pantoufles, c'est quoi l'expression? Basket. Vous êtes, ah dans, voilà, c'est ça. C'est ça? Vous n'êtes pas dans vos baskets, et ben si vous avez un problème, vous faites appel à toute l'équipe et on essaye de vous aider dans cette émission. D'ailleurs, aujourd'hui, on a du boulot à vous proposer et c'est Pierre qui s'y colle. Ça va, Pierre? Audrey, bonjour l'équipe. Waouh, quelle jolie voix, Pierre. Merci, Audrey. Bon, Pierre, si t'es là, c'est parce que tu es à la recherche d'un friturier pour une friterie qui est située au circuit de Métais, c'est ça? Mais c'est ça, tout à fait, oui, au circuit de Métais. Bon, bah alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut avoir comme, comme qualité pour être un bon friturier? Faut pas avoir de cheveux pour pas qu'ils sentent la graisse. Voilà, déjà. Bah, ça, je pense qu'on leur fournira un équipement adéquat pour... pour pouvoir faire les frites, ouais. Oui, pour pouvoir faire les frites, ben il faut savoir frites, il faut savoir cuire des viandes, il faut être sympathique, avoir un esprit commercial quand même, puisqu'il faut cuire des clients, il faut les servir. Ouais, c'est ça, c'est le minimum. Voilà, mais on cherche un collaborateur, une collaboratrice, ça peut être un garçon. Ça peu importe. Et Pierre, il faut avoir quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans les frites ou pas du tout. Il faut quand même un petit peu d'expérience dans les frites parce que c'est quand même un métier, c'est un plus, mais on peut les former aussi, il n'y a pas de souci. Ah oui, donc tu es prêt, si jamais tu es prêt quand même à former la personne qui serait motivée pour venir bosser chez toi. Mais la première chose, c'est effectivement les gens qu'on cherche, la motivation. Il faut savoir que c'est un métier difficile, c'est un métier qui est dur, c'est un métier qui on fait travailler les gens à des heures qui sont, c'est le midi, c'est le soir. Donc, mais Pierre, la vraie question... La vraie question au final, est-ce qu'on peut goûter les frites ou pas avant de les servir? C'est important quand même. Celui qui les fait, il peut goûter les frites parce qu'il doit s'assurer quand même que le produit est bon. Ah, le produit est bien fait. Du coup, je vais postuler alors. Ah bah Pierre, tu fallait dire ça directement pour les auditeurs. Si vous êtes fan de frites, si vous aimez la bonne frite belge une fois et que vous voulez bosser justement à la friterie de Pierre qui est située du côté de Métais, vous envoyez job par SMS au 3044 maintenant. Pierre, tu restes avec nous. On va voir s'il y a des auditeurs qui sont intéressés. On va te reprendre à l'antenne dans un instant. Il y aura le son d'Autonose côté son dance floor et avant ça, on se fait les Goulding. Écoutez, ça s'est passé dans la libre antenne sur Fun Radio. Juste après Martin Garrix avec Now That I've Found You. Ah, bien ça. Essayez de nous le dire quand même. J'ai rien compris. Avec Now That I've Found You. Now That I've Found You. Eh oui, yikes. Alors tu peux le dire différemment. Tu peux le dire Now That I've Found You ou alors Now That I've Found You. Ah, yeah, ouais. Voilà. Vas-y, tout ton Roger, vas-y, prononce-le. De quoi? Tous les soirs, dès 20h, c'est libre antenne avec Vince sur Fun Radio. Fun. Chez Decathlon et sur decathlon.be, les tentes Quechua se montent et se démontent en deux temps trois mouvements. Idéal pour tous ceux qui sont du genre... Oh les gars, on voit plus rien là, faut qu'on se pose. Mais aussi pour tous les... Hé les enfants, regardez le sommet. Quand on y est, on monte le camp, d'accord? Pour eux et tous les autres sportifs, maintenant le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. Allez, arrête-toi, allez.

Bienvenue sur Fun Radio, si vous venez de vous brancher, on est en mode Happy Hour. Jusqu'à 20h avec vous, il y aura du cadeau dans un instant avec un overboard à choper. Nouveauté, new music, découverte Fun Radio. Et si vous avez envie de repartir avec le précieux Sésame, le cadeau que tout le monde rêve d'avoir pour le moment d'une valeur de 700 €, eh ben il va juste falloir rester bien branché sur Fun Radio parce que juste après la nouveauté du son de Autonose et Avicii sur Fun Radio, je vous explique comment faire pour repartir avec. Step off the train at dawn. Back in the place where I was born. And it's been 10 years since I've been gone. It took me 10 years to know I'm wrong. I've been everywhere and nothing is new. And I've done everything I've set out to do. I'm nothing without you, without you. I'm nothing at all. Until you know what life can buy. You know I hope the world's been kind. Hope you can see it in my eyes. That I've been everywhere and nothing is new. And I've done everything I've set out to do. I'm nothing without you, without you. I'm nothing at all. Sur Fun Radio featuring Avicii, la suite c'est avec Aritza. Ils s'en foutent tous celui-là hein. C'est bien un mec. Vous les mecs, vous vous en foutez de tout. Non, seulement des meufs. Et tout, tout. Voilà. C'est pas cool là, sérieusement. Bah quoi. T'étais malin parce que maintenant ils sont casés. Toi t'es aigri toi. Bah ouais. Moi franchement je le dis à chaque fois que je suis tombée sur un garçon, il s'est foutu de ma gueule. Bah, c'est vrai en plus. Mais quoi. Je le vois trop faire. Tu vois, genre, bien foutage de gueule. Bah, en même franchement... temps, une meuf qui trébuche et qui tombe, moi, je me moque d'elle aussi. Mais c'est vraiment pas cool. Hein. Ouais, je sais. Non, mais sérieux, je suis jamais tombée sur un seul garçon qui s'est pas moqué de moi. Mais vraiment, genre, j'ai une vraie question soit il m'a trompé, soit il m'a menti. Enfin, à chaque fois, il y a eu un truc. Oh, et t'as menti sur quoi? Bah, genre, m'a menti sur des problèmes d'argent, m'a déjà menti sur le fait qu'il avait pas d'enfant, puis finalement, il en avait. On m'a déjà menti ça, sur. C'est un gros mensonge, j'ai ça. Déjà eu un mec qui m'a déjà menti sur son prénom, quoi. C'est quoi leur projet de mentir sur un prénom? Genre j'ai appris que le gars il me disait qu'il s'appelait Nicolas et en fait c'était Giuseppe. Je te jure un jour on était dans un magasin et il y a une meuf qui l'appelait qui fait hey, ça va Giuseppe. Et alors il niait la ferme, il est du tout tout rouge. Et je dis bah, pourquoi elle s'appelle Giuseppe? Et ça, c'est il s'appelait classique. Comme ça. Nicolas est célibataire, Giuseppe est marié à deux gosses. Ouais mais voilà tu vois. Non mais sérieusement c'est fatigant quoi. Vous avez jamais eu des gens qui se sont foutus de votre gueule comme ça? Non. Jamais? Bah non. Moi ouais. Toi ouais. Genre c'était quoi le plus gros bobard que t'as eu droit? Bah, quand elle m'a dit qu'elle était une femme, quoi. Oh non ! T'as déjà eu ça ? Oui. Mais ça se voit, généralement, il y a la pomme d'Adam ou des grandes mains. Oui. Bah, elle m'avait assuré que c'était une femme quand même, quoi. Oh non, tu t'es tapé un mec ? Quoi ? Non, j'ai vu avant, mais je me suis arrêté. T'es sûr de ça ? Non, quoi, t'as mis la main dans le pantalon et t'as senti qu'il y avait plus de trucs que ce qui était prévu à la base ? Mais non, mais au moment où je me suis fait, je lui ai dit, t'as vu, t'as un mec ? Oh mais non ! Eh, hey, vous avez déjà eu ce genre de truc ? Dites-moi au 3044. Genre, vous avez commencé une relation, vous pensiez que c'était quelqu'un de bien et tout, vous avez des petits papillons dans le ventre, et puis là, le drame, quoi. Gros bobard, mytho de ouf, 3044 pour vos messages si ça vous est déjà arrivé. Ah, moi, j'étais l'amant de ma copine pendant plus d'un an. Hein ? Et du coup, bah, en fait, c'est la meuf qui est venue hier dans les studios. Non, pas encore elle. Une autre. Oui, c'est ça. Mais c'est compliqué ta vie amoureuse, toi. Ah, je sais. Là. Mais bon. Et donc voilà, on est resté amants, mais j'y croyais. Elle allait plaquer son mec. Et au final, toi, t'as été une femme, toi, pendant un an. Soumis. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est souvent, ça arrive que des meufs sortent avec des mecs mariés et les gars leur disent non, mais t'inquiète pas, je vais divorcer, je vais quitter ma femme, puis la femme tombe enceinte, donc du coup, ça va pas. Oh là là, mais et la maîtresse, elle se fait nickel. Mais tu vois, mais le pire, c'est qu'elle était jeune, donc elle avait ni mari ni gosse ni rien du tout. C'est ça, mais une meuf qui a 21 ans et qui a déjà des amants, mais laisse tomber, hein. Franchement, c'est pas une fille bien, faut pas déconner, les gars, vous faites ça, vous aviez déjà eu des maîtresses, voilà, c'est ça votre Moi, j'ai été aussi l'amant d'une meuf, mais. C'est pas possible, t'arrives déjà pas à trouver une meuf tout court, quoi. Comment tu peux être un amant ? À l'époque, elle avait un mec, elle me disait qu'elle allait quitter ce mec pour moi, et, et au final, j'ai jamais réussi à lui faire confiance, et j'ai bien fait parce qu'elle continue à voir le gars, quoi. Ou alors le pire, c'est les collègues. Moi, j'ai déjà eu plein de fois ça. Ouais. Genre, comment ça ? T'es avec un mec, ça se passe bien. Ouais. Et puis, sur son lieu de travail, il y a des collègues un peu trop intenses, tu vois, ou des intense. Meufs qui commencent à draguer un peu ton mec. Et ça. Mais ils étaient au courant ? Mais oui, et ça m'énerve. Il y a des meufs qui s'amusent à draguer les mecs des autres en sachant qu'ils sont casés. Mais c'est comme. C'est quoi leur projet à ces connasses ? Il paraît que quand t'es un mec marié, il paraît que ça, les femmes, elles c'est adorent ça. Ouais. Non, mais ça aussi, mais ça. Du coup, je vais me marier bientôt. Oh non, c'est horrible le message qu'on vient de recevoir à 34. On dit si tu veux des papillons dans le ventre, mets-toi des chenilles dans le cul. Mais laissez-moi croire que l'amour existe encore sur cette belle planète. Oui, ça fait combien de temps que t'es célibataire ? Trop longtemps. Et en tout cas, ici, c'est ça le problème. Niveau collègue, on est plutôt tranquille. Hein. Bah, c'est ça le problème aussi. Il y en a pas trop de potable et de. Non, bah, notre vie est triste en fait sur Fun Radio. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à grignoter ici, mais bon, voilà. Est-ce que vous aussi, on s'est déjà moqué de vous ? 3044, j'attends vos petits messages. Je ne dois pas être la seule à avoir eu droit à ce genre d'expérience, comment dire. Je ne dois pas être la seule à avoir été cocu ou alors du genre. Je te rassure. Bon, allez. Après, il y a quand même un beau gosse de la radio. Ah, Bibou, c'est vrai. Bah oui, y a Bibou. Fabien, Bibou, le Bibou, vas-y, parle, montre ta belle voix. Je suis déjà pris. Oh non, mais voilà, mais ça recommence quoi. Depuis quand il est pris lui ? Oui, depuis quand t'es pris toi ? C'est ça, depuis 10 minutes. Oh bah voilà, ça y est, j'ai laissé passer ma chance. Ouais. Le ticket, je n'ai pas pris de ticket. C'est ça que j'aurais dû faire. Bon, allez, envoyez-moi vos petits messages si vous avez déjà eu droit à des expériences pas très très cool avec des mecs ou des meufs. 3044 pour les envoyer. Et pendant ce temps-là, on se fait rire de ça, je m'en fous sur Fun. Gagnez la plus classe des tablettes du marché. Votre tablette Samsung Galaxy View de plus de 18 pouces grâce à Fun Radio. Fun. Toute la semaine, écoutez la libre antenne de Vince de 20h à 23h. Et éclatez-vous avec la plus grande tablette jamais conçue, équipée d'un écran 16/9 Full HD de 18,4 pouces. En envoyant Galaxy par SMS au 6322. Un nouveau message. Wow, merci Fun, c'est génial. Les cadeaux les plus high-tech, c'est uniquement sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Fêtez avec nous 50 ans d'innovation Nissan en Belgique du 3 au 11 juin. Et profitez de nos Techno Deals, d'incroyables réductions sur les toutes dernières technologies Nissan. Vous êtes en galère ? Plus de taf ? Plus de copines ? Peu importe le problème. L'Happy Hour avec Audrey vous donne un coup de pouce de 17h à 20h sur Fun Radio. Envoyez dès maintenant Fun par SMS au 3044 et on s'occupe du reste. Je me lance, je m'en fiche de ce que les gens pensent. Ces regards qu'on me lance, désormais je m'en fous. Et j'avance, tant pis si cela t'offense. Ton avis n'a pas de sens, aujourd'hui je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, pourquoi tu me tournes? Je m'en fous. Je m'en fous. Arrête, tu sais plus rien ne me.

Voilà, c'est bien. Il va nous réveiller d'un coup celui-là. Martin Garrix qui arrive sur Fun Radio. Il y aura aussi le son de Global DJs dans un instant. Mais d'abord, je sais même pas pourquoi on parle de ça, mais on parle du fait d'être cocu. C'est toi qui as lancé le sujet là, parce que nous on est casés. D'ailleurs, excuse-moi, mais tu marches sur mon bonheur. Tu peux le pied là. Et toi, tu dis oui, moi. Non, je parle pas forcément du fait d'être célibataire, parce que ça, c'est pas grave. Parce que être célibataire, ça arrive à tout le monde au moins une fois dans sa life. Mais toi, c'est pas une fois, c'est depuis tes. Mais non, mais moi, c'est pas ça. Depuis quand d'ailleurs ? Bah, depuis. Depuis toujours. J'arrête de compter en fait. T'es redevenue vierge, au fait. Non. Il paraît que quand il se passe plus rien, ça se rebouche quand même. Ah ouais, j'ai entendu ça. Ah ouais ? Je sais pas, c'est une. Alors, si vous êtes pompier, Audrey a besoin de conseils. Ou des boucheurs. Non, ça ira. Dites les gars, ça va, je suis dans la pièce, je vous entends. Non, c'est juste le côté cocu, moi, qui me dérange. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis tombée toujours sur des garçons qui se sont moqués de moi. C'est triste. Jamais j'ai eu un garçon qui a été sincère, fidèle, tout ça. Jamais. Tu en as un là, quelque part ? Bah, non. Tu veux une adresse ou tu veux t'allonger ? Franchement, vous pourriez dire pour moi, c'est pas cool. Et il y a un auditeur qui dit comment on peut rendre une fille comme toi seule ? Eh bah, on peut. Ouais, mais en même temps, enfin, non, c'est vrai que ça n'a rien à voir. J'allais dire, t'es pas la plus facile à vivre, mais. Mais d'où je suis pas facile à vivre, tu rigoles ou quoi? Bah, t'es pas facile à vivre. Je suis pas jalouse, je fais chier personne. Pardon, t'es pas jalouse? Ah non, je suis pas jalouse, je suis. Comment on dit? Possessive. Non, méfiante. C'est pire. Méfiante, c'est pas pareil. Méfiante, c'est quoi? Bah, c'est jalouse. Non, c'est pas ça. C'est jalouse, mais avec un autre mot. C'est tout. C'est pas ça, c'est juste que je le check à distance si tout se passe bien. Voilà. Ah, question. Est-ce que t'es une des filles qui fouille dans les téléphones? Ça m'est déjà arrivé. Les téléphones, les poches, les ordinateurs. Ouais. Toi, tu dois être une fouilleuse, ça ouais, se voit. Ouais. Ouais. Non, j'avoue, ça je fais. Tu regardes que des Walt Disney et tu manges que du chocolat. Bah, c'est génial. Bah, on peut se faire des soirées de ouf, sérieusement. On a Léna qui est là, qui vient de la Louvière. Salut Léna. Salut Audrey. Ça va bien Léna? Ça va. Bon, Léna, est-ce que toi aussi t'as eu droit à un garçon qui s'est moqué de toi? Ah ouais. Ah mais tu vois, voilà, vas-y, explique-nous comment ça s'est passé, Maléna. Ben en gros, écoute, ça faisait 11 ans qu'on était ensemble. Ah. Ouais. Et ben voilà, j'ai appris un peu des petites choses où au début, ben, tu supportes un peu et puis tu laisses tomber. Et puis, ben, je suis tombée sur une discussion avec une enfant de 19 ans. Et donc, moi, comme je suis croyante, tu vois, on m'a dit qu'il avait rêvé, que Guy lui avait dit que tu restes avec moi. Oui, voilà. Oh, et c'est quoi ? J'ai déjà entendu plein d'excuses, mais le fait de dire que c'est Dieu qui a demandé d'envoyer un message, ça, c'est très fort. Non, en fait, Dieu lui aurait dit que s'il restait avec moi, il allait mourir. Ben oui, c'est et ça. Et qu'il devait se marier avec cette fille de 19 ans et qu'il a des enfants. Oui, moi, je pense aussi. C'est donc, juste foutu de ta gueule. Dieu, il a pris la peine de le prévenir personnellement. C'est même pas qu'il m'a envoyé un SMS. Oui, mais voilà, ou... d'accord. C'est qu'il y a deux ans, il me demande en mariage. Donc, Mais ouais, mais ah ça, oui. C'est clairement. Heureusement que j'ai pas dit oui, quoi. Mais c'est symptomatique des mecs qui se foutent de la gueule des filles. Hein. Mais là, excuse de Dieu, je vais la sortir, moi, un jour. Bah, tu mets. Non, Fab, n'essaye pas. Non, parce que... mais excuse-moi, mais pourquoi t'as pas dit oui quand il t'a demandé en mariage pourquoi au final? Bah, non, mais il y a deux ans avant. Parce que voilà. Parce que à la base, moi, je voulais mettre un terme à notre relation parce que j'avais appris des choses. C'était la petite bouée de sauvetage, quoi. Tu vois. C'est comme quand un mec quitte une fille, il y a la carte de oh bah je suis enceinte. Voilà. Ah, mais sorry, bah tant pis quoi. Ah, c'est pas le truc le plus malin à faire, ça c'est clair. Léna, merci beaucoup d'être passée à l'antenne. Je te fais des gros bisous en tout cas. Merci Audrey. Bisous bisous, bonne soirée à toi. Et du coup, je pense que je vais faire pareil alors. De quoi dire que c'est Dieu qui t'a demandé de tromper ta meuf? Non, ne fais pas ça. Si ça va mal dans mon couple, je vais dire que je suis enceinte. Ah je bah pense tu que peux c'est, toujours essayer. C'est un bon deal, non? Et avec le bidou à bière que t'as pour le moment, franchement, ça peut être crédible. Mais non, mais c'est horrible ça. C'est horrible, on me l'a fait moi ce coup-là. De quoi, le coup du bidou? Non, le coup de. Le coup de je suis enceinte, Fab, je suis enceinte, Fab. Attends, rigole pas, moi j'ai tellement pris de poids que ce week-end on m'a dit félicitations. J'ai dit pourquoi félicitations? Bah vous êtes enceinte? Non! J'ai juste mangé trop de chocobons, connard! Ah, non. Bon, dites-moi vous si on s'est déjà moqué de vous aussi. On en parle dans l'émission, ça va nous faire du bien, on va vider notre sac. 30-44 pour vos messages et pendant cela, on se fait Martin Garrix sur Fun Radio, bougez pas. Écoutez, ça s'est passé ce matin chez Evan et la tribu. Tour à Anvers, faut expliquer pourquoi tu ris. Ben ouais, mais il montre des images avec des femmes très peu vêtues. Pendant que je suis en train de faire mes infos. Et ça te perturbe, et quand on sait que c'est Audrey de la P-Hour. Qui s'appelle Natalia le soir. Ouais, je savais pas que Audrey allait poser nue, dis donc. Ah si, wow. La radio ça gagne pas bien. Hein. Ouais, je sais, je suis au courant, merci. Evan et la tribu, 6h, 9h sur Fun Radio.

just a sign that you're not out there on your own. We come one tonight. I've been waiting for your wake up call. Growing stronger now. I can hear it in the thunderstorm. We sing, oh, I don't wanna do this without you. Il est bientôt 19h sur Fun Radio et pour aller jusque là, on se fait le son de Pep & Rush. Il y aura aussi Souf juste après avec Mi Amor. Et on a reçu des petits messages au 3044 parce qu'on parlait du fait d'être toujours avec quelqu'un qui se fout un peu de ta gueule. Mais c'est-à-dire que toi, t'y crois, t'es en plein love. Mort. Et puis là, c'est le drame, on se moque de toi. Un peu comme ça résume ma vie, limite. J'ai jamais eu un seul garçon qui s'est pas moqué de moi, quoi. Vraiment. Pas un seul. Pas un seul qui est resté soit fidèle, soit totalement sincère. Je suis toujours tombée sur des mensonges. T'es une poisseuse, toi. Ouais, franchement, ou alors je les attire. Ou alors j'ai un problème aussi. Il y a peut-être un peu de doux, hein. Je pense que c'est plus le problème que l'attirance. Bon, tu crois? Ouais. Ouais, je sais pas. Franchement, vous, vous êtes moqué. Moi, franchement, j'ai un... beaucoup de filles, un peu. Non, moi, non, je me suis jamais moqué. Bon, allez, ça va. Vous voyez? Non. Vous êtes des mythos. Non. Mais c'est parce que vous mentez. Jamais. Attendez. Regardez-moi dans les yeux. Enfin, j'en ai pas assez pour vous regarder en même temps. D'abord, Fab, vas-y. T'as jamais. Moi, j'ai jamais menti à une fille quand il y a des sentiments. Ah, voilà, déjà, il y a quand j'avais des sentiments. Quand il y a des sentiments. Mais genre, tu t'es jamais moqué de quelqu'un? Vas-y, dis la vérité. Sinon, je te plante ce bide dans tes yeux. Je te jure que non. J'ai jamais mis mes mains. Je me suis jamais moqué de quelqu'un. Moi, j'ai toujours été très clair dans ce que je voulais avec ce qui se passait. Ça, c'est bien. D'accord, je te laisse le. Moi, j'ai été à un pari un jour. Tu sais ce que c'est, ça? À quel point c'est humiliant. C'est vrai? Qu'une meuf a couché avec moi parce qu'elle a fait le pari. Oh non, ça c'est. Oh non, Fab, ça me fait mal au cœur, ça. Alors, tu vois, j'ai embrassé sa copine et je lui ai dit merci d'avoir fait ce pari-là. Mais j'étais un pari, donc oh c'est non. vexant, tu vois. Et quoi, après, ça a débouché sur rien? Ça a débouché sur rien, non? Bien sûr que non. Ah, c'est horrible, ça. Sandro, tu t'es déjà moqué d'une fille? Dis la vérité. Non. Bah, toi, je sais que oui. Comment ça? Déjà, j'ai au moins les preuves de 2-3 meufs auxquelles tu t'es un peu. Hein? Mais pas du tout. Dis la vérité. Je dis la vérité. Minou, on dit la vérité. Bon, elle comprenait pas le français, mais bon, voilà. Oh là là, sérieusement. Et on me dit, je parle en tant que mec. J'étais il y a 10... Attends, le problème du mec, c'est qu'il y aura, il aura plus tendance à jouer avec les filles trop gentilles, sans caractère. Je parle de mon vécu. Maintenant, j'ai 30 ans, 3 enfants, et ça fait 10 ans de couple avec celle qui a su montrer les dents. C'est Manu qui dit ça. Bah oui, voilà, il faut être un peu méchant. Voilà, c'est ce que vous attendez tout le temps des filles. On me dit, prends à labrador, Audrey, mais ne dis pas que tu as toujours été honnête. Hein. Mais si, hein. Bah si, je vous jure que oui. t'as jamais fait chauffer des mecs ou des trucs comme ça? Ah non, ça non. Non, chauffer les mecs et faire des paris et des trucs pourraves comme ça, ça j'ai jamais fait. Mais pourquoi? Non, moi ce que j'ai déjà fait, j'avoue, c'est tromper mon mec quand il m'avait trompé avant. Genre vengeance. Mais c'est plus drôle, tu vois. Mais c'est pas intelligent parce que ça sert à rien. Mais j'ai déjà fait ça en mode vengeance. Ah ok, tu t'es foutu de ma gueule, mais moi aussi je vais le faire. Mais c'est pas drôle parce que lui a déjà gagné le jeu. Bah c'est pas un jeu, hein. Il t'a trompé avant. Tu vois, ça c'est bien une mentalité masculine, quoi. Il est là, il fait: tu veux que je t'envoie la baballe? Oh là là, je te jure, ça m'énerve. Oui, vas-y, baballe, il y a une balle, je vais la chercher. Où ça? Dites-moi. Vous mettez de mauvaise humeur, sérieusement. On dit quoi? Vous savez ce qui se passe sur le ring aux 4 bras de Tervuren? Ça fait 20 minutes que plus personne ne bouge. On s'en fout, on parle. C'est Adrien qui demande ça. Mais sœur Jacobus, vous pouvez vérifier, s'il vous plaît? Oui, je vais regarder ça. Mais je pense, je suis pas sûr, je crois que c'est le pluie. C'est la pluie? Je crois que c'est le pluie, ça inondait. Mais on va quand même vérifier, t'inquiète pas, on va te dire ce qui se passe. Juste le temps, avant de faire les infos avec Carlo, de vous rappeler qu'on a quand même un overboard à vous filer. Un overboard d'une valeur de 700 €. Il faut essayer de me retrouver cette série. Écoutez ça. Ça rappelle des souvenirs, cette série. Ils étaient tous en maillot de bain. Si vous avez une idée de la bonne réponse, vous envoyez maintenant FUN, F-U-N, par SMS au 6322 avec le nom de la série exacte. Tirage au sort juste après les infos. Fun Radio. Fun. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. Ah, il y a un auditeur qui me dit que les mecs bien, ils sont friendzonés par les filles. Je suis pas du tout d'accord avec cette théorie. Quand il y a un mec bien, les filles, un petit conseil de moi, vous le gardez et vous ne le lâchez plus jamais. Ils sont tellement rares. Allez, dans un instant, on va sur le son de Pep & Rush. Il y aura aussi un overboard qui va tomber. Ce sera après l'actu avec Carlo Murillo. Salut Carlo. Salut Audrey, salut à tous. Et tout d'abord, faut souhaiter bon courage à tous ceux qui sont victimes des nouvelles inondations dues aux orages en Wallonie surtout. Elles concernent notamment Estine et Binche, déjà lourdement touchés ces derniers jours. À Binche, par exemple, c'est à nouveau le quartier du Faubourg Saint-Paul qui est inondé avec l'académie qui connaît de nouvelles coulées de boue. Il paraît que des enfants sont coincés à l'intérieur du bâtiment cerné par les eaux. À Saint-Pierre, des gens se sont trouvés avec de l'eau jusqu'aux genoux et ont dû être évacués à cause des risques que ça représentait, notamment à cause de l'électricité. Je vais pas vous donner la liste des endroits où les malheureux pompiers sont en train de se démener, vu qu'il y en a vraiment beaucoup. En espérant qu'il n'y ait rien de trop grave, je reviendrai bien sûr sur ces nouvelles intempéries demain à midi. La grève dans les prisons francophones du pays en est à sa 6e semaine. Ça devient franchement impressionnant, mais le ministre de la Justice, Koen Gins, ne perd pas espoir. Il a répété aujourd'hui qu'il était prêt à dialoguer avec les syndicats et qu'il continue à chercher des solutions. Notez que c'est quand même un petit peu son boulot aussi. Koen Gins est donc disponible au dialogue. Il attend maintenant une réponse des syndicats, tout en disant regretter que les détenus soient utilisés dans le conflit comme un moyen de chantage, dit-il. Et chantage, ça rime avec otage, mais ça c'est le mot qu'on utilise plutôt pour les usagers des transports en commun quand ces derniers sont en grève. Pour Koen Gins, les actions actuelles sont dues à l'insécurité ressentie par les gardiens au sujet de leur avenir. Ils veulent être rassurés sur leur sort jusqu'en 2019, dit-il, mais actuellement, il n'est pas possible de le faire. Fin de citation. Lose for Life, c'est le nom de la nouvelle campagne du Parti Socialiste contre le gouvernement fédéral, une parodie évidemment du célèbre billet à gratter Win for Life. Il s'agit d'expliquer aux gens ce qu'ils vont perdre avec les mesures décidées par le gouvernement Michel. C'est pas mal trouvé en matière de com, et on suppose que ça plaira pas des masses au MR et à ses alliés flamands, mais ce qui est certain, c'est que ça plaît pas du tout à la Loterie Nationale, qui a demandé au PS de mettre un terme à cette campagne sous peine de poursuites juridiques. La société de jeux de hasard explique, je cite, que la Loterie Nationale est un prestataire public à destination de l'ensemble de la population et qui est neutre d'un point de vue politique. Fin de citation. Réaction du PS, on continue la campagne, la liberté d'expression, c'est sacré et ça vaut pas que pour les citoyens, c'est un droit dont jouissent les partis également. Voilà ce qu'on dit donc au sein du Parti Socialiste. Présentation enfin à la presse aujourd'hui d'un plan national de sécurité, le premier du genre. Jusqu'à présent, le fédéral, les régions et les communautés travaillaient chacun dans leur coin, dans cette matière, sans vraie coordination. Terminé. Le gouvernement fédéral et celui des entités fédérées ont bossé pendant un an en toute discrétion, histoire d'accoucher de ce plan national, une sorte de bible d'une centaine de pages destinée à lutter contre la criminalité en Belgique. Le ministre de l'Intérieur, Yann Jansbom, s'est dit fier et se réjouit d'avoir pu aboutir si vite. Pas assez vite, notez bien, pour éviter les attentats du 22 mars. Fun Radio. Maintenant dans les stations Kuwait avec Deleuze Shop & Go, un poulet rôti pour seulement 4 €. Réchauffez-le à la maison et à table. Avantage. Rendez-vous vite chez Kuwait. Il y a un auditeur qui nous demandait ce qui se passait du côté du 4 bras de Tervuren parce que ça fait une heure qu'il est coincé et qu'il est à l'arrêt. Et il y a un autre auditeur qui nous donne l'info et qui nous dit qu'en fait c'est juste des bouchons. Voilà. Et lui, il a fait 8000 mètres en 1h30 seulement. Donc écoutez, bon courage en tout cas si vous êtes bloqué, restez bien à l'écoute de Fun Radio. On aura du cadeau d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui me demande ce qu'il faut envoyer pour repartir avec son overboard. Il faut envoyer Fun, F-U-N, par SMS au 6322 avec la série Téléconcherche. Je vous ai donné un indice, je vous ai dit qu'ils étaient tous en maillot de bain. On fera un tirage au sort juste après la météo et le son de Pep & Rush. Carlo. Le bouchon en Belgique, c'est un truc de fou. C'est tout doux, ça n'arrive jamais, les Alors, gars, la sérieux. Météo, la météo demain, toujours de la pluie le matin, mais nous aurons droit au retour du soleil en cours de journée. Ça nous change du programme de ces derniers jours et en principe, il devrait faire beau pendant un tout petit temps. Allez, prochain rendez-vous info dans une heure, demain, à midi, en ce qui me concerne. Voilà. Je vous laisse avec Audrey et le son de Pep & Rush. Salut. Achetez un paquet de charcuterie fine chez Charles et gagnez une TV à écran plat grâce à notre concours de foot Euro 2016. Jetez un œil sur chezcharles.be. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. La radio connectée avec vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Toute la journée, partout. Fun Radio. Fun Radio. Maintenant, suivez-nous sur tous les réseaux. Fun Radio. Le son Dance Floor. La Vie Hour, 17h-20h sur Fun Radio. Que la place Saint-Lambert est complètement sous eau. C'est un truc de fou, sérieusement. Sortez bon courage. Les pailles. Sortez les pailles ou le bateau, faites ce que vous pouvez, quoi. C'est Souf qui arrive sur Fun. Des paillettes, du glamour et. Fab. C'est l'actu people dans l'Happy Hour. Mais sérieusement, j'ai jamais vu une tempête pareille en Belgique, moi. C'est dingue, c'est dingue. De l'eau à Liège, en plus, les Liégeois, ils aiment pas l'eau. Pourquoi ? Ils vont être dégoûtés, ils boivent jamais d'eau à Liège. Non, mais sérieusement, blague à part, bon courage si vous êtes dans la voiture, il y en a plein qui sont bloqués. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à les partager avec nous, comme ça on prévient tout le monde aussi. Hein. 3044 pour nous envoyer des petits messages. Pendant ce temps-là, on va se faire les people, mon Fab, c'est quoi le programme ? Alors, on va parler de Ronaldo, Cristiano Ronaldo, le coup, je voudrais pas être à sa place. Ah si, t'aimerais. Arrête de mentir, t'aimerais être ouais, à la place de Cristiano avoir mes Ronaldo. 5 minutes par jour pour voir ce que ça fait. Il y a une photo de lui où il sort les abdos, mais il a un corps de dingue. Ah ouais, hein. Fait. Plaquette de chocolat ambulante, lui. Hein. Putain, et qu'est-ce qu'il a fait, Cristiano Ronaldo? Mais lui, il n'a rien fait. Mais bientôt, c'est le début de l'Euro et le premier match du Portugal, ce sera contre l'Islande. Ouais. Jusque-là. Rien de spécial, sauf que en Islande, il y a un gars qui vit. Alors, je sais pas comment je vais pouvoir prononcer son nom, parce qu'il y a plein de lettres bizarres. Hafþór Hrúlus Björnsson. Santé à toi aussi. Voilà. Ça vous dit rien, c'est normal. Non, mais si je vous dis que le gars, il joue dans une série dont on a parlé tout à l'heure, le mec, c'est la montagne. La montagne, le monstre de Game of Thrones, le gars qui fait 2 mètres. Le géant. Ouais. Ah ouais. Son surnom, c'est Thor. Donc ça, c'est son vrai nom. Ah, c'est un énorme monsieur qui peut faire très très peur en tout cas. Voilà. Il est islandais, puis il envoie un petit message à Cristiano Ronaldo. C'était très drôle sur Instagram. Il lui dit voilà, j'ai un message pour Cristiano. Je sais que tu joues le premier match de l'Euro contre l'Islande. Si tu marques contre mon équipe, je vais te trouver et je vais t'écraser la tête comme je l'ai fait avec Vipère Rouge. Voilà. Ouais. Il a qu'à trembler, Cristiano Ronaldo. T'imagines, ils perdent le match à cause de ça. Oh, ça serait ouf, hein. Mais moi, je suis Cristiano Ronaldo, je me mets malade pour le premier match. Mais tu m'étonnes. Je joue pas. C'est quand le match, on va regarder pour voir. C'est le 14. Le 14. Et ben, on sera devant notre télé pour voir si du coup Cristiano Ronaldo a tremblé. Il va flipper grave. Il y a quoi d'autre dans les people? PPMP, ça va changer. Je sais que t'aimes bien cette émission. Ah bon, mais touche pas à mon poste. Ouais, alors apparemment, Cyril Hanouna a dit qu'il voudrait que pour la rentrée, l'émission prenne un nouveau tournant. Bah, déjà, et vous avez vu, Cyril Hanouna, il s'est fait virer d'Europe 1. C'est une radio en France qui n'existe pas ici en Belgique, mais genre il avait sa propre émission avec une équipe, un peu comme nous ici dans la Piawa, et il s'est fait baf. En fait, normalement, il avait encore un an, et puis au final, ils l'ont pas forcément rattrapé, et à l'inverse, lui, il a pas insisté non plus pour rester. Bah, du coup, il va faire autre chose à la rentrée avec TPMP. Il voudrait que TPMP soit plus sérieux. Lol. Et il veut profiter de la campagne électorale qui va commencer pour les élections en faisant plus des débats politiques, sérieux, des choses moins canulars, machin. C'est pas drôle. Excusez-moi. On va faire grève. On va faire comme tout le monde, on va faire grève à un moment donné. Mais moi je pense qu'il devrait la supprimer carrément. Mais t'arrêtes un peu, c'est cool. Et franchement, je veux bien, les gens ils descendent un peu l'émission. Parce que c'est pas malin, parce que c'est pas. Tu peux pas t'instruire avec ça. C'est nul. Mais parfois on a pas envie de s'instruire, on a juste envie de se détendre aussi. Enfin tu vois. Bah après, si tu veux t'instruire, tu regardes C'est pas sorcier, mais tu regardes pas ça. Voilà, c'est ça, surtout que c'est plus diffusé, ça va pas être facile de faire ça. Mais c'est pas question juste de ça, je pense. C'est questions qui sont tous énervants en fait dans l'émission. Arrête. T'es jaloux. Putain, mais de non, mais. Mais t'es jaloux. On verra à la rentrée si Cyril Hanouna change vraiment l'émission. Tout sera à mon poste. Change d'émission tout court. Arrête, merci Fab pour les people. Tu reviendras demain avec d'autres infos. Et on me dit c'est la panique sur les signes. Tout est inondé. On a croisé plein de voitures bloquées par l'eau. C'est la panique ici. Au secours, il y a une maman et ses deux filles qui sont un peu en galère. Et mais sérieusement, si vous avez besoin d'aide, venez, vous nous envoyez un message. On peut essayer de vous aider. Bon courage et surtout, soyez prudents. On va se faire le son de souffle sur Fun et juste après, Kid Cudi, bougez pas. Ces faits et gestes que je n'ai pas su t'accorder. Oui, je sais que c'est la vie que j'ai choisi de t'aimer. J'aimerais que tu reviennes, tu reviennes. Tu sais, je ne suis qu'un homme, des erreurs j'en referai. Te souviens-tu du temps où tu ne savais pas qui j'étais? Un homme imprévisible, c'est tout ce dont tu rêvais. Dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes. C'est la vie, j'ai trahi, et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille, et dans la nuit, je vois que tu souris. Écoute-moi, je t'en prie, tu as le plus beau des chats. C'est comme ça que je t'aime, mais tes souvenirs me hantent. La nuit dans mon sommeil, j'en deviens somnambule. Et je t'avais pris pour acquise, tu m'as tourné le dos. J'avais cru soumise, tous ces mots sonnent faux. Et quoi qu'on en dise, j'étais ton héros. Aujourd'hui tu me fuis, tu me fuis. C'est la vie, j'ai trahi, et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille, et dans la nuit, je vois que tu souris. Écoute-moi, je t'en prie. Le plus beau des chats. Mi amor, favor, mi amor. t'en lasser. Tu me dis que ce n'est pas assez. J'entends sa voix si belle au timbre angélique. Et mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor, por favor, et mi amor. Et mi amor, por favor, mi amor, por favor, et mi amor, por favor, et mi Radio. Little bit, roll it up, take a hit, feeling lit, feeling right, 2 a.m. summer night, I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing, rolling the mid beside and out, living my life, getting out dreams, I'ma do just what I want, looking ahead, no turning back, people told me slow my roll, I'm screaming out, fuck that, I'm screaming out, fuck that, I'm screaming out, fuck that, fuck that, fuck that. Fuck that, fuck that. You know about dreaming, dreaming. You don't really know about nothing, nothing. Tell me what you know about the night terrors every night. 5 a.m. cold sweats waking up to the sky. And I know everything that's shining always gonna be gold. Hey, I'll be fine once I get it. I'll be good. I'm on the pursuit of happiness, and I know everything that's shining always gonna be gold. Hey, I'll be fine once I get it. Bienvenue sur Fun Radio, si vous venez de vous brancher, c'est Kungs avec This Girl qui arrive côté son dance floor. On va se faire aussi mettre Gims. Oh, c'est bien ça. C'est ma beauté sur Fun Radio. De toute beauté, hein. C'est bah de toute oui, beauté. Tranquille. C'est son nouveau son. Moi, je l'écoute en boucle, sérieux. Le nouveau Maître Gims, c'est une tuerie. Si vous ne l'avez pas encore entendu, restez bien branchés sur Fun Radio. Ça va arriver dans quelques petites minutes. Et on a reçu des messages aussi avec la pluie, tout ça. Et on me dit en direction de Waterloo, sur le ring de Bruxelles, il y a une partie qui est inondée sur plusieurs mètres. Il y a au moins 35 cm d'eau. Waouh! À Waterloo, ce ne sont pas des inondations, ce sont des piscines. Voilà! Ça déborde sur l'autoroute. T'imagines? Ça, ça le fait grave. Bon, on va appeler maintenant quelqu'un qui va repartir avec son overboard, l'overboard Iron Man. Et ouais! Attends. Tu sais que ça, Iron Man? C'est un super héros. Bravo! Oh! Bravo! Mais je ne sais pas du tout dans. J'ai jamais vu. Bah, dans Iron Man, parce que c'est le nom du film déjà. Puis dans Avenger, c'est lequel, tu vois, qui c'est ou pas, non? Il est rouge, non? Oui, mais oui, oh, tu m'épates! Tu vois? Son nom? L'acteur est plutôt beau gosse, je trouve. Ouais. Il faut pas déconner non plus, faut pas me poser trop de questions. Le nom de l'acteur de Iron? Non! Oh là là! Tony.

une évidence. Je sais ce n'est pas gagné d'avance, mais rien ne m'effraie plus que ton absence. À présent tu peux compter sur moi, tu ne m'en voudras pas une seconde fois. Je t'offrirai la lune à l'ombre de ma plume. Ma beauté repose-toi, ma beauté repose-toi. J'ai les épaules pour ça, j'ai les épaules pour ça. Ma beauté repose-toi, j'ai les épaules pour ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Je l'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Alors, vous le trouvez comment le nouveau Maître Gims, Ma Beauté sur Fun Radio? Dites-moi ce que vous en pensez, tiens, 3044 pour vos messages. La suite, c'est avec Mike Posner, que ça se passe à Itoukepil, in Ibiza sur Fun Radio. Et c'est sûr qu'on n'est pas à Ibiza ici, hein. Quel bordel avec ce temps. L'horoscope. L'horoscope. Sur Fun Radio. Et d'ailleurs, c'est ouf parce qu'il y a Katia qui me dit bon, bah, il y a un torrent d'eau qui bloque la route principale d'Otigny. Enfin, d'Oligny, pardon. Et toutes les routes alentour sont noyées aussi. Pas moyen de rentrer chez nous pour le moment, c'est la merde. Wow. Bah, et, bon courage, sérieux. Franchement, c'est ouf ça. Il y a des gens qui peuvent même pas rentrer chez eux. Restez à l'écoute de Fun Radio. On va essayer de se soutenir tous ensemble. On est avec vous jusqu'à 20h. On va se tenir la main tous ensemble. T'as remarqué que quand il y a des trucs comme ça d'inondation, tu découvres toujours des villes dont t'as jamais entendu parler avant. Oligny. Ouais. Oligny, je sais pas. Je crois que c'est Otigny prononcé par un chinois. Non mais sérieusement, si vous êtes bloqué, allez-y, vous nous envoyez des petits messages 3044, on va papoter ensemble pendant ce temps-là. On se fait l'horoscope, on va vous dire justement si vous êtes du genre à supporter le soleil ou alors si c'est pas du tout pour vous. Les béliers. Pas vraiment, au soleil votre graisse fond comme un morceau de beurre dans une poêle. C'est glamour. Les taureaux. Les taureaux, vous adorez la chaleur et le soleil. En même temps, on sait tous que vous êtes une grosse chaudasse. Ça y est, le gars il craque, hein. C'est la fête au village ici, ouais. On peut dire ce qu'on veut. Les gémeaux. Ils adorent le soleil, leur peau un peu moins, ils ne bronzent pas mais ils deviennent roses comme des homards. Cancer. Si votre surnom c'est Dracula, c'est pas parce que vous faites l'amour à votre copine même lors de sa mauvaise semaine. Oh. C'est parce que vous attrapez des coups de soleil avec une lampe de chevet. Vierge. Votre peau est tellement fragile qu'au moindre rayon de soleil, elle devient sèche, aussi sèche que l'intérieur de Mère Teresa. Oh non, Fab, mais ça va pas, oh. Non, mais sérieux. De quoi, c'est sec. Mais je veux pas savoir. Les lions. Votre peau ne supporte rien, alors le soleil, vous êtes capable de choper des coups de soleil avec la lune. Balance. Vous ne savez pas comment vous réagiriez face au soleil. Vous ne savez pas ce que c'est le soleil. Je vous rappelle que vous habitez en Belgique. Eh ouais, welcome en Belgique, les scorpions. Vous, vous supportez très mal le soleil. Votre peau est tellement pourrie que même les roues se foutent de votre gueule. Qu'est-ce que t'as avec les roues, toi, rien. Tu vas te calmer maintenant. Ils les aiment bien. Les sagittaires. Vous avez beau vous foutre de la gueule du scorpion, on vous rappelle que vous êtes roux et les roues et le soleil, c'est pas top top. Qu'est-ce que t'as pas compris, donc tu vas te calmer, c'est pas possible, ça, les capricornes. Vous supportez pas le soleil, vous passez votre temps à léviter, un peu comme si vous lui deviez de l'argent. Verseau. Vous adorez le soleil, vous êtes comme les Magic System, on vous voit d'ailleurs que quand il y en a. Et enfin, les poissons. Au moindre rayon de soleil, vous chopez des taches de rousseur. Au début, c'était mignon. Maintenant, on dirait un vieux legging léopard qui sort de la machine. Classe. Oh. Et on nous dit que Oligny, c'est près de Moucron. Voilà. D'accord. Apparemment. Okay. Donc, Moucron. Comme ça, on apprend aussi la géographie sur Fun Radio. Écoute, à un moment donné, tu prends une carte de la Belgique et tu te démerdes. Qu'est-ce qu'on dit par SMS? Je suis à l'arrêt avant la sortie de Ad venant tourner. Je sais pas rentrer chez moi. Tout est inondé. Bisous à toute l'équipe. C'est Tatiana. On te fait des gros bisous, c'était Tatiana. C'était mignon, on vient te chercher. Sandro, il a un 4x4. Ouais. Enfin, c'est quoi cette condition? Il reste de la place dans vous êtes vraiment des mecs, hein, sérieux. Non mais franchement, bon courage à vous tous, restez branchés sur Fun Radio. On va se faire le son de Mike Posner, ça vous donnera juste un tout petit peu l'impression d'être en vacances. Voilà, vraiment fermez les yeux. Peu. Si vous êtes dans la voiture, de toute façon, vous êtes à l'arrêt, vous êtes bloqué. On va se détendre sur Fun Radio. Imaginez-vous que vous êtes au bord d'une plage d'Ibiza. Oh, ouais, avec du soleil. Un petit cocktail, une petite rondelle de citron, c'est très important, c'est le petit détail qui tue. Et sinon, si vous êtes dans les bouchons, bah, y a moins 10% chez Decathlon pour les canoës. Ah, merci Sandro. Bon, écoutez, peu importe, en tout cas, restez bien branchés avec nous. On va tous se soutenir. Et là, c'est Mike Posner sur Fun. Welcome. To show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. But it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller. Cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me. Never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul. Sad soul. Darling, oh, I know a sad soul. Sad soul. Shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me. Never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh, I know sad songs. Sad songs. Darling, oh, I know sad songs. Sad songs. Explore continue sur Fun Radio avec Fifth Harmony dans un instant. Et je retire tout ce que j'ai dit. J'ai dit tout à l'heure que Oligny, c'était du côté de Moucron. Ouais. Et bah pas du tout en fait. Il y a un auditeur qui me dit Oligny, c'est entre Hattes et Lessines. C'est Régis qui dit ça. Mais en même temps, tu peux me dire que c'est n'importe où, je sais pas où c'est. Bah du coup, merci Régis d'avoir rectifié la vérité. Ah, oui, heureusement que tu étais là quand même. Dis donc, on n'est pas très fort en géographie dans l'équipe. Hein. Ouais, est-ce qu'on est fort dans quelque chose bah déjà? Bah non, parce qu'en maths, c'est pas ça. En français, non plus. Enfin voilà quoi. Si, et moi, ça va, je cause bien. Je cause bien. Je cause bien. C'est ça ma biche, tu causes bien ou quoi? Vas-y. Bon, on nous dit, vous voulez. M'aider, s'il vous plaît, dites aux automobilistes que les dépanneuses sont là pour aider les gens en difficulté. Il y a un accident qui se forme et je ne peux pas passer. Bah, klaxonne. Laissez-moi passer, c'est Alessandro, le dépanneur, qui dit ça. Bon courage aussi à tous les dépanneurs, hein, puisqu'ils doivent être au taquet, du taquet. Ils vont gagner de l'or en bas. Ils vont se faire un de ces paquets de pognon, sérieux. On me dit, je suis bloqué aussi, je suis à l'arrêt avant la sortie de Hattes, c'est aussi le gros bordel. Bon courage à vous tous, merci de passer votre soirée en tout cas avec nous sur Fun Radio. On a quelqu'un qui est là pour repartir avec son overboard. Yes, il y a Manon qui est là. Bonjour Manon, comment ça va? Hello. Ça va et toi? Bah ça va bien, toi aussi t'es du genre bloqué dans les bouchons ou t'es au sec à la maison? Non, je suis au sec à la maison, j'ai de la chance. Ah bah voilà. Bloqué dans le canapé, ouais. Bon alors, Manon, on est à la recherche d'une série télé depuis tout à l'heure. Si tu donnes la bonne réponse, tu repars avec l'overboard Iron Man. L'overboard qui coûte 700 euros. On écoute le son, tu me donnes ta réponse juste après. J'étais en train de faire des chorégraphies dans le studio. Elle courait au ralenti. Alors, heureusement que vous n'êtes pas dans le studio. Mais non. Elle s'est prise pour... Pour Pamela Anderson. On peut le dire. Mais non, il y a un petit terme, mais non. Depuis que... Depuis que quoi? Depuis qu'il y a certains endroits qui sont plus développés chez toi. Tu sens le mec qui s'est mis tout seul dans la merde. Il dit bon bah comment je ressors de là? M'aide pas surtout hein. J'ai pris du poids et du coup j'ai pris du poids partout et notamment au niveau des pamplemousses. Et ça te va très bien. Et bah voilà, là, si on tu est passé dis, à la pastèque. Hein. On est passé à une fameuse pastèque, ouais, ça c'est clair. Mais du coup c'est vrai que non, Pamela dans le film, enfin dans la série, vous m'embrouillez. Et il y a la madame Pamela Anderson qui court au ralenti avec ses pamplemousses qui ballottent de gauche à droite. Comme les tiens, voilà. Comme attention, les... tu vas te crever un oeil. Arrête. Bon alors Manon, à ton avis, c'est quelle série? Bah c'est Alerte à Malibu. Alerte à Malibu, c'est gagné. Ouais, ouais. Manon, tu repars avec ton overboard Iron Man. 700 euros comme ça, facile sur Fun Radio. C'est toi qui vas l'utiliser ou t'as essayé de le gagner pour quelqu'un? Non, c'est pour moi, je suis une grosse flemmarde, donc c'est super. Ça c'est cool, t'imagines, tu peux passer de ton canapé à la cuisine au canapé sans bouger. Canapé au tégo, voilà. Juste en te mettant un peu en avant et c'est l'overboard qui fait tout, ça c'est génial. Faut plus marcher, faut plus rien faire. Manon, tu sais quoi, tu nous feras une vidéo et tu nous fais kiffer sur la page de l'émission, d'accord? Y'a pas de soucis. Je te fais des gros bisous Manon, passe une bonne soirée. Bisous feignasses, allez. Et si vous aussi vous voulez repartir avec un overboard, eh ben, il faudra rester branché sur Fun Radio demain à partir de 17h. On en aura plein à vous filer. Côté son dance floor maintenant, c'est Fifth Harmony qui arrive avec Work From Home. Il y aura aussi Rochelle. Et puis restez bien là parce qu'à partir de 20h, c'est Vince qui débarque sur Fun Radio avec une émission un petit peu spéciale. C'est-à-dire que le monsieur, il n'est pas en Belgique, il s'est barré à Paris et il vous prépare des petites surprises. Ah en ouais gros, il faut rester là sur Fun. Petit conseil. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pic after picture, I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby but you gotta go to work, work, work, work, work, work, work. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. Let my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work from home, oh, oh. We can work from home, oh, oh. Let's put it into motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacate, turn the bed into an ocean. We don't need nobody, I just need your body. Nothing but sheets in between us, ain't no getting off early. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby we go. jusqu'à 20h sur Fun Radio. On est en mode Happy Hour avec le son de Rochelle, All Night Long sur Fun qui arrive. On vous a calé aussi le son de Lost Frequencies, c'est le tout nouveau qui arrive dans quelques petites minutes. Mais avant de vous laisser dans les mains de Vince, pour une émission un petit peu spéciale en direct de Paris, avec une équipe qui n'est pas la même que d'habitude. Voilà, en gros, c'est une petite surprise, rien que pour vous, qui commencera à partir de 20h. Il faut rester bien branché dans l'émission. On va faire le tic-tac-boom. Ouais. On va clôturer l'émission avec ça et on va voir si aujourd'hui Sandro est capable de battre Fab. Ouais, parce qu'il faut évidemment savoir que Fab est invaincu jusqu'ici. Il a quand même 7 victoires, je rappelle. Sandro, tu n'en as qu'une. Non, deux. Non. Je suis pas sûre. Non. Bah en fait, bon, allez, j'avoue, j'en ai une et Fabien qui m'a remplacé la semaine dernière. On a donc, une. Donc, c'est bien donc ce que ça je fait dis. Deux. Donc, tu n'as qu'une victoire personnellement à ton actif. C'est bien ce que je raconte. Ouais, mais c'est un. Alors, le jeu du tic-tac-boom, si vous vous branchez pour la première fois dans l'émission, c'est quoi? C'est simple. En gros, il y a une liste de mots que Fab et Sandro vont avoir sous les yeux. Ils vont essayer de faire deviner un maximum de mots aux auditeurs qui vont jouer avec nous. Et aujourd'hui, c'est d'à côté Renaud qui est là, qui vient d'Ougré. Bonjour Renaud. Bonjour Audrey. Ça va bien Renaud? Ça va bien et toi? Bah ça va bien, t'es à la maison tranquillou? Oui, bien au chaud. Ah bah t'as bien raison mon Renaud. Alors tu veux faire équipe avec qui? Tu as le choix entre Fab ou alors avec Sandro? Bien sûr, avec Fab. Avec Fab. Ah, je sais pas pourquoi, gentil. Mais à chaque fois, les auditeurs, ils choisissent en premier. Ils ont compris le truc. Hein. Bon, Renaud, tu fais équipe avec Fab. Et on a Thierry qui vient de la Louvière, du coup, qui va faire équipe avec Sandro. Bonjour Thierry. Bonjour. Ça va bien? T'as choisi le meilleur, Thierry. C'est bien. Je oui, crois pas, ça non va. Alors, Thierry, tu fais quoi, toi, ce soir? Moi, ce soir, on est occupé à manger, en fait. À manger, à c'est manger. Ça? Ah d'accord. Ah oui. On vous dérange peut-être? On est occupé à souper, à manger italien, en fait. Ah, ne me fais pas rêver comme ça. On a faim. Spaghetti bolo? Non. Spaghetti à la carbonara. Oh, ça fait rêver ça. Bon, Thierry, bon, tu vas faire équipe invités, avec Sandro. Tu vas peut-être être le grand gagnant de ce tic-tac-boom. Et on va commencer justement, tiens, avec Sandro. Ça vous va, les garçons? Bah oui, comme ça, il peut vite retourner manger. Bah ouais. Et hier, j'ai aussi commencé, hein, hier. Eh ben justement, c'est pas grave, on recommence. Du coup, non. Sandro, Thierry, on y va. Sois bon, Thierry, s'il te plaît. Il faut qu'on gagne. Hein. Attention, top départ dans 3. 2, 1, c'est parti! Alors, il y en a souvent dans les. Comment dire? Ça commence mal! Je passe au suivant! Non, on peut pas! Non, allez! C'est métallique et on marche avec! C'est métallique et on marche avec! On est souvent une personne comme ça! Oh là là! C'est métallique, on marche avec! C'est métallique, on marche avec! Des crocs! Non! Ouais, c'est quoi, c'est... Allez, Sandro, essaye hein. Oh là là, mais, mais comment tu veux décrire un robot? C'est sérieux ça? Ah quoi? Un robot. Et d'où tu marches avec? Non mais oui, je le voyais marcher. C'est vert, c'est mou, ça vient de la lune. Robot. Mais t'es mauvais Sandro. Thierry, je suis désolé. Il est mauvais, on est d'accord. Il y a même lui, il est mort de rire, il se moque de toi. Et je peux pas me rattraper? Non, il y a rien du tout pour toi, c'est fini. On va. Merci Thierry, c'est gentil Thierry. Merci. Non, je rigole. Non, mais ça va Thierry, merci. Non, c'est très bien. Allez, Thierry, il faut le dire de temps en temps. Du coup, attends, on va voir, parce que peut-être que Renaud aussi va faire zéro avec Fab. On va voir s'ils sont capables de faire mieux. Fab, Renaud, est-ce que vous êtes prêts, tous les deux? Oui, parfait. Alors, Renaud, sois concentré. Hein. On y va dans 3, 2, 1, c'est parti! Alors, tu en utilises à Noël et tu mets des boules dessus. Un sapin. Bravo. Ouais, c'est un animal, il a de grandes oreilles, une longue trompe. Il s'invite dans la savane. Un éléphant, bravo. Moitié femme, moitié poisson, c'est une. Sirène. Bravo, ça vit dans les champs. C'est un animal, on en fait du lait, blanc et noir. Une vache. Bravo. Tu nages dans deux. Trop tard. Renaud, tu es le grand gagnant. Ouais. Non mais il y a tricherie de toute façon. Félicitations Renaud plutôt. Bravo. Eh non mais franchement Sandro, sur ce coup là désolé mais je peux pas te défendre, t'as été juste mauvais quoi. C'est pas... Non mais j'ai une difficulté aussi. Pauvre Thierry, c'est quoi la difficulté? Bah c'est que j'ai des cases en moins, je suis moins doué que tout le monde. Ouais, n'essaye pas de renverser la température, ça veut rien dire ce que je raconte. Bon bah Renaud, tu raccroches pas, je vais te filer ton cadeau Fun Radio comme promis, comme t'es le grand gagnant. Et bah mon Thierry, du coup toi tu repars avec un autocollant Fun Radio. Ouais, désolé hein, Thierry, mais l'important c'est de participer, voilà. Voilà, oui. L'important c'est de s'afficher en tant que loser, mais je suis vraiment désolé. Hein. Vous demandez quelque chose? Oui, Thierry. Pendant que je vous ai en ligne. Oui, vas-y. Parce que je sais que sur Fun Radio, ça arrive souvent, on met des chansons de rap français, mais il y a une vingtaine d'années. Ouais. Et je vais vous dire, franchement, c'est le rap que je préfère, parce que le rap de maintenant, c'est du rap de merde. Ouais. Alors, ça aurait été pour essayer de voir si on aurait pu me passer le groupe NTM. NTM. Ouais, ah, attends, je regarde dans la machine. Laisse pas traîner ton fils. Ah, si laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse. Tu la connais pas, voilà. Mais c'est quoi que tu fais? C'est une chanson que j'adore de ça. Attends, Thierry, est-ce qu'on l'a, Sandro, ou pas? Je cherche. Attends, on cherche, voilà. Mon Thierry. Tu sais, tu demandes un truc ici, on cherche. Hein. Allez, c'est pour toi, Thierry. Vas-y, monte le son chez toi. Ouais. Merci beaucoup. De toute façon, il n'y a plus de boulot. La boucle est bouclée, le système à la tête sous l'eau. Et les jeunes sont saoulés, salis sous le silence. Seul issue la rue, même quand elle est en sang, c'est pas un souci. Pour ceux qui s'y sont préparés, si ça se peut, certains d'entre eux même s'en sortiront. Et voilà, eux. C'est tout. Oh. Hey, Thierry, ça va, je t'ai passé un petit bout. Tu sais quoi, demain on va voir si on peut pas essayer de te le caler dans la musique de l'après-midi, d'accord? Oui, y'a pas de problème, dites. Eh ben voilà, Thierry, bon app en tout cas, hein. Tu reviens quand tu veux. Bon après-midi, un grand merci. De rien. Je te souhaite encore plein de courage. C'est gentil. Plein de bonheur avec vos émissions. C'est très très gentil, ça, mon Thierry. On te fait des gros bisous. Merci pour votre programmation parce que vous avez de la solide musique. Ah. Qu'on entend maintenant. Bien dit, ça, mon Thierry. Tu reviens quand tu veux. Je te fais des gros gros bisous. La suite du son maintenant, c'est avec Rochelle que ça se passe. On vous a calé aussi Lost Frequencies. Et restez bien là à partir de 20h. C'est Vince qui débarque sur Fun Radio, mais dans une émission un petit peu spéciale. Direction Paris, Paname, comme ils disent les Parisiens. Écoutez, ça s'est passé ce matin chez Evan et la Tribu. Justine, cite-moi en moins de 5 secondes 3 marques de dinosaures. Top. Des marques de 3 dinosaures, vas-y. C'est ça. Un Raptilingus. Evan et la Tribu, demain, 6h-9h sur Fun Radio. Fun Radio. Le son Dance Floor. Away. Think about you every day. Try so hard to live without, but no mas. Sunshine is shining far away. Bird's eyes is looking out, and they can see that you're mine. 'Cause when we're together, your love is controlling my brain. Like plunging inside of that fire I cannot contain. Our love is like a burning through the evening rain. Set sail out on an ocean wave. 'Cause our love is like a heat wave. Right by my side, burn gas in a Chevrolet. She's so hot, and our connection's like Wi-Fi. Just love how you ricochet, won't stop till you're satisfied. 'Cause when we're together, your love is controlling my brain, like plunging inside of that fire I cannot contain. Our love is like a heat wave. It's burning through the evening rain. Set sail on an ocean wave. 'Cause our love is like a heat wave. Me want you more. Couldn't leave if I want to. I wash up at your door. I know at times we break the rule. Temperatures rise when I'm with you. Heat wave. Sandro et Fab, les trois mousquetaires de la radio. Un pour tous et tous à l'écoute. Happy Hour, 17h-20h sur Fun Radio. Découverte Fun Radio. Dans un instant, vous allez retrouver Vince pour une émission un petit peu spéciale en direct de Paris. Un petit conseil, restez bien là, ça va être juste le top. On vous laisse avec le son de Lost Frequencies, c'est une nouveauté Fun Radio. Et on vous donne rencard demain à partir de 17h. Bisous les copains, ciao, ciao, ciao. À demain, bisous. Fun Radio. Le son Dance Floor. Le son Dance Floor. À Namur, sur 107.5. Nous interrompons nos programmes car nous venons d'apprendre le décès du comédien Patrick Redremont dans un accident de voiture. Il avait 45 ans. Hey, c'est moi, Patrick Redremont. Comme vous l'entendez, je suis toujours bien vivant. Mais pourquoi les accidents de la route ne nous touchent que quand on connaît la victime? Il y a quand même encore plus de 850 tués par an en Belgique. 850. Vous pouvez aider à faire baisser ce chiffre. Roulez prudemment. Vous savez, c'est pas toujours la faute des autres. Découvrez comment nous pouvons rendre nos routes plus sûres sur goforzero.be. Go4Zero. Une initiative de l'Institut belge pour la sécurité routière.